Bonsoir mon cher frère. Bonsoir. Et bonsoir frère. Donc nous sommes réunis aujourd'hui afin de partager ton témoignage, parce que tu as un grand témoignage pour les enfants de Dieu qui se trouvent dans le monde de ténèbres et pour ceux qui sont déjà dans la lumière, afin qu'ils sachent comment le Seigneur Jésus est puissant. Pour ceux qui ne croyaient pas à la main invisible du diable et le pouvoir de Dieu de délivrer, pour qu'ils comprennent au travers de ton témoignage que beaucoup de choses se passent dans les ténèbres. Dans notre société, beaucoup de choses se passent et beaucoup de personnes ne sont même pas au courant. Des familles se trouvent dans les sectes sans s'en rendre compte. Satan utilise des choses sournoises pour attraper des gens et qui ont des doctrines philosophiques qui trompent les gens à l'apparence, mais à l'intérieur, ce sont des profondeurs de ténèbres. Donc, frère, quel est ton nom et comment, quel est ton parcours? Bonsoir une fois de plus. Moi, c'est Ndoumbé Bilé Max. Oui. Et je suis né dans une famille dont le père, une famille de 6 enfants. Oui. Je peux même dire plusieurs parce que mon papa s'appelle Bilé Jean-Pierre. Oui. Et c'était un de table. Je fais supérieur de Bonabéry. Oui. De Bonabéry, c'est le quartier ouest, à la sortie ouest, après le pont de Bourri. Après le pont de Bourri. Bien, je suis l'un des enfants qui a toujours été auprès de mon papa, qui a toujours aimé son papa, qui a toujours été très proche. Oui, et j'étais avec papa avait l'habitude de nous amener dans un ordre qu'on appelle Ekanka. Oui. Oui, nous sommes les dents, c'est-à-dire que lorsque nous sommes nés, nous avons grandi et on a constaté qu'on partait à Ekanka, c'est-à-dire que papa nous avait mis là-dedans, c'est un autre constatement. Bien, parfois il nous prenait tous. Quand il y a de l'argent, il prend tous, ou je ne sais pas, quand il se fâchait, quand ça ne va pas, il ramasse tout la maison. Et avec ma femme, il dit qu'il n'y a pas tout le monde le jour aujourd'hui, parce que dans la maison, on avait constaté que cette femme, c'est-à-dire la troisième femme. Donc tu es issu d'une famille polygame. Polygame, oui. La troisième femme, donc Madame Billet, oui, qui nous a élevés. Oui, on était à la maison 6, il y a les aînés, deux soeurs, et moi et ma petite soeur, et les deux autres, un garçon et une fille, dont nous étions 6. Oui, avec les enfants que Madame Billet, quand elle vient en mariage aussi, elle va peut-être donner 3, deux fois. Ça fait 11, 9. Oui. Bon, ils nous ramassaient parfois, ils nous amenaient avec un cas. Mais ce qui est vu, c'est qu'il y avait les autres enfants qui partaient au témoin de Jéhovah. Oui. Oui, ils partaient. Est-ce que votre parent était au courant? Est-ce que ton père était au courant du fait que les autres là allaient au témoin de Jéhovah? Ou bien ça ne dérangeait pas? Ça ne le dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas. Parfois, ils partaient, ils laissaient partir. Il y a eu le baptême. Oui. Oui, ils les laissaient partir. Il n'y a pas de problème. Bon. Il ne trouvait pas d'objection. Mais il aimait que moi et mon petit. Oui. Ouais, mon petit Gabi. Oui. Gabriel, oui. Qu'on aille. Le garçon, c'est deux enfants, fils, qu'il a accouché, oui, qui on a eu à Ekanka. Bien, lorsque. Il faut rappeler que Ekanka, c'est un ordre religieux qui se trouve dans le monde entier Ekanka, et qui a des proches de la franc-maçonnerie. Ekanka, c'est un ordre religieux, proche de la franc-maçonnerie, etc. Bien, Ekanka signifie, on le divise en deux, il y a être, qui veut dire esprit, Ekanka qui veut dire voir, la voix de l'esprit. Oui. Voilà, comme ça, voilà comment est-ce que Ekanka, le cycle de Ekanka est. Oui. Bien. Maintenant, lorsque vous êtes à Ekanka, on se rencontre à Bonhomme Sadi, là où il y a la réunion. Par exemple, parfois, ici, à l'école publique derrière l'université. Oui. Oui. Lorsqu'on se rencontre là-bas, lorsqu'on entre, on ferme la porte. Oui. Oui, immédiatement, bon, on s'installe et il y a un coordonnateur qui va diriger le chant de You. Oui. Oui, s'il y a les annonces, s'il y a ceux qui ont eu les messages venant de l'Amérique. Oui. Oui, à travers. Donc, on dit que le siège, c'est en Amérique. Le siège, c'est en Amérique. Et à partir de l'Amérique, il y a la police. Oui, donc ils divulguent que dans les enseignements à partir de là. À partir de là. Oui. Donc, c'est là-bas que même le maître habitait. Le grand maître. Le grand maître. Oui. Il s'appelle c'est Harold Klim. Oui. Il est né plus vivant. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais je sais qu'il est là-bas. Oui. C'est lui qui est là-bas. Oui. Ok. Maintenant, il y avait les Ounissi. Oui. Et oui, il y avait les Ounissi, parmi lesquels, des Ounissi, il y avait mon papa. Oui. Bon, ça fait que mon papa, oui, il a, comment on appelle ça, il a accepté. Oui, il nous a mis là-dedans et quand on vient, comme je disais, il y a un coordonnateur et immédiatement on chante le You, on chante des chants. Parce que mon papa était compositeur. Oui. Oui, il faisait les partitions, il écrivait même les partitions. Il avait le talent de chanter. Oui. parce que mon papa, d'après l'histoire, d'après ce qu'il nous a raconté, lorsqu'il est né, oui, son père, une fois de plus, avec la maladie, oui, oui, et pour le protéger, c'était oui, ça. Oui, après 5 ans, ils se sont séparés à la frontière, le Pékin est parti, puis après quelques jours, le Pékin était décédé. Oui. Bon, mais mon papa avait fait témoin de Jéhovah, il avait fait église évangélique, témoin de Jéhovah. Oui. Il était même pionnier spécial, témoin de Jéhovah. Oui, de il chantait même là-bas, il a laissé beaucoup de morceaux même là-bas. Chez les témoins de Jéhovah. Oui. Et il continuait à chanter, oui. Oui, maintenant, quand il a commencé à... Mon maman me dit que quand ils étaient ensemble, bon, il a fait un peu de bouddhiste, oui, un peu de rose-croix, un peu de franc-maçonnerie. Bon, voilà un peu comment est-ce qu'il a fait ce parcours-là. Oui. Parce que il est maintenant dans Ikanka. Mm-hmm. Et Ikanka, lorsqu'on était petit, il était à Yaoundé, à côté de l'aéroport. Oui, Simalem. Oui, Simalem. Oui. Il savait qu'en 82, oui, il y a eu coup de temps en 84. Voilà. Oui. On était à l'aéroport. Les maîtres étaient venus nous dire qu'il fallait qu'ils quittent oui, à la veille. Oui. Et le matin, il a dit à sa femme, il a dit à mon maman, de quitter. Donc c'est dit que les maîtres et autres de l'ordre avaient savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Qui se préparait. Oui, voilà. Ils ont prévenu à ton père, qui était parti de l'ordre, de l'ordre, de quitter Yaoundé ou de quitter quoi Yaoundé. Oui, de quitter Yaoundé, il y a quelque chose qui va se passer. On ne l'a pas dit qu'il y a coup d'état. Coup d'état. Mais il y a quelque chose qui va se passer de très grave. Oui. Il faut qu'il quitte Yaoundé avec sa famille. Oui. Et vous avez quitté? Oui, le papa a dit à ma maman, on voulait la partie. Oui. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Bon, quand il s'est avancé, la maman nous a suivi après oui, à la gare routière. Oui. Ils ont pris le train. Oui. Et lorsqu'on était en Bamayo, c'est là où on s'est arrêté. On nous a dit que si on a vu l'armée, oui, c'est là qu'il a reconnu le général de Massango, qu'elle était encore, je crois, ses capitaines. Oui. Il a demandé que vous avez fait comment pour. Il a dit qu'il y a quelque chose qui se passe à Yaoundé. Oui. Donc c'est comme ça qu'ils montaient. Oui. Et nous, on descendait à Dora. Donc le Massango était de général, celui qui est général de Dora Massango maintenant. Là, il était lieutenant quelque chose comme ça. Donc un officier quand même de toute façon. Mais il montait, mais il connaissait ton papa. Il connaissait le papa. Donc vous vous êtes croisé à la gare pendant que vous descendez sur Dora là. Et ils montaient à Yaoundé. Et ils savaient que quelque chose se préparait aussi, ou c'est quoi? Non, je crois qu'on les avait communiqué, mais eux, j'étais l'armée. Oui. Je ne connais pas, parce que moi, j'étais trop enfant. Oui. Oui, donc eux, ils montaient. Oui. Et nous, on descend à droite. Mm-hmm. Donc, il faut dire que... Les gens sont au courant de tout, mais comment, selon ton pensée, comment les gens, les maîtres qui ont averti ton père sont au nombreux aux États-Unis ou bien ici au Cameroun? Non, ces maîtres, ils sont nombreux. Oui. Oui, il y avait des photos. Et dans la salle, lorsqu'on chantait le lieu, il y avait plusieurs photos de maîtres. Oui. Oui. En ce moment, maintenant, on chantait le lieu. Oui. Et quand on déclenchait le lieu, on pouvait appeler quelques noms de maîtres. Oui. Oui. Mais ce n'était pas trop fréquent parce que ça devient fréquent. En fait, cet exercice beaucoup plus devient fréquent lorsqu'on entre dans le World Foot. Oui. Bon, là, on est donc, ça c'est une autre branche que nous allons aborder. Non, mais vu qu'on reste sur la fête du coup d'État, de Kanka, pratiquement, cet scénario que tu m'as expliqué maintenant, oui, parce qu'on veut comprendre. Oui. Comment cela, il veut dire, les gens qui ont averti tes parents que quitter le Yaoundé, la capitale, parce que le coup d'État, il y a un événement qui va se passer dans quelques jours. Oui. Ce sont les maîtres d'ici ou bien de l'extérieur? Non, c'était les maîtres qui. Sévère, qui était proche du grand maître. Oui, le grand maître qui est aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc ils ont averti. Alors ceux-là sont invisibles, tu ne les vois pas physiquement. Ok. Oui, tu es invisible, tu ne les vois pas physiquement. Donc c'est le messager physique, ce qu'on appelle les maîtres spirituels. Comme il y avait, dans le cas, il y avait les neuf silencieux. Oui. L'ordre de Béragui. Donc voilà, explique-nous donc la hiérarchisation là-bas. Voilà. Mm-hmm. Il disait que depuis la tête jusqu'en bas. Bon, comme je disais, lorsqu'on est dans Ikanka, oui, il y a. Lorsqu'on a un tableau qui correspond à sa causale mentale éthérique, oui, ça c'est un tableau de dimension. Oui. Bon, maintenant, il y a aussi les maîtres, oui, qui accompagnent, on les appelle parfois les grégores. Les égrégores. Les égrégores, oui, qui les accompagnent. Oui. Il y a plusieurs maîtres comme ça, mm-hmm, ceux du feu. Et donc, ce sont les esprits. Les esprits. Oui, donc dans l'autre dimension. Oui, qui a une dimension. Oui. Bon, maintenant, ils l'accompagnent. Oui. Oui. Là-dedans, il y avait un très grand maître qu'on appelle Rebazatas. Oui. Oui, c'est lui qui obtient le bâton de commandement, ça veut dire que c'est lui qui... Donc quand tu donnes le bâton, ça veut dire que c'est toi qui es le maître. Oui, donc c'est un esprit. C'est un esprit. Oui. Et Vazatas. Mm-hmm. Là, il y avait l'ordre des Béragui. Oui. Les neuf silencieux. Oui. Oui, c'est qui décide. Un collège des neuf esprits. Les neuf esprits, c'est qui décide. Oui. Invisible, on ne le voit pas. Oui. Les neuf silencieux, c'est qui décide. Et il décide comme ça sur le plan spirituel et ça s'applique sur notre plan. Sur notre plan. Oui. Voilà. Donc, il y a même aussi, il y a un autre ordre que j'ai toujours oublié qui m'échappe. Oui. Oui. Okay. Donc, au sommet, donc, il y a qui? Il y a plusieurs. Bon, il y a le Soumane. Le Dieu. Le Soumane. Bon, Dieu. Maintenant, il y a plus. plusieurs Sougmas, c'est-à-dire que quoi donc Dieu est constitué de plusieurs dieux. Voilà. Comment dire les Elohim Par exemple, lorsque nous sommes dans plusieurs dimensions, il y a plusieurs Sougmas. Et Sougmas signifie Dieu, oui. N'est-ce pas? Oui. Oui. Dans cet ordre-là, c'était comme ça, plusieurs Sougmas. Voilà. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si nous sommes au Cameroun, ceux qui contrôlent, par exemple, la terre, il y a un Sougmat. Oui. Il y a un Sougmat qui gère la terre. C'est un collège d'esprit appelé Sougmat qui gère le cadre du Cameroun, par exemple. Je vous explique. Oui. Lorsque vous êtes plus bas, on vous explique d'abord que Sougmat c'est Dieu. Oui. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est les gens qui viennent d'entrer dans cet ordre-là. Lorsque vous venez d'entrer au bas niveau, même quelques hauts ici, au départ, c'est souvent c'est Dieu. Oui. Maintenant, lorsque vous avancez, parce que c'est à travers le web que j'ai compris que il y a plusieurs Sougmas. Oui. Il y a un Sougma qui gère la Terre. Oui, il y a un Sougma qui gère. Comme il y a plusieurs planètes. Oui, neuf planètes et les différentes planètes. Voilà. Mm-hmm. Il y a plusieurs Sougmas. Oui. C'est là. Maintenant, il y a un, celui qui est au-dessus de on l'appelle le sans-nom. Le sans-nom, il n'a pas de nom. Oui, c'est lui alors qui coiffe tout. Mm. Le sans-nom. Oui. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que je découvre ça dans le Afrique. Donc, plus tu avances, plus un nouveau nom apparaît. Oui. Mm-hmm. Un nouveau nom apparaît. Mm. Voilà comment est-ce que ça se passe. Donc c'est de façon subtile qu'on amène les gens là-bas. Si vous êtes dans le départ, c'est là-bas le maître spirituel avec les autres maîtres invisibles. Donc si vous êtes un nouveau cadet, un novice, vous collaborez avec quelqu'un, mais ne sachant pas que derrière lui, c'est tout des entités. Voilà. Maintenant, on vous fait comprendre que quand on est dans le Kanka, il y a la protection. Oui. Donc c'est le but pour lequel les gens y entrent. La protection. Le pouvoir. Et vous chantez le son. Qui est dans le monde entier, c'est-à-dire que les voitures chantent le yo, les moteurs partout, même quand vous allumez la télé, vous savez quand vous allumez la télé, ça fait si. Même pas des vibrations. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, fait. Vous comprenez un peu. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que on nous avait, ça fait quand vous allumez la télé, le son là, oui, le son quand ça faisait, et on montre, après on montre la montre, oui. À cette vous rappelez quand la télévision oui ça faisait le bruit là c'est le son du you bon le but de ces sons c'est quoi qui a initié ces sons et le but c'est quoi non c'est le chant que les maîtres nous ont donné et que chante universellement c'est de partout c'est ce que le Sougmat a donné pour qu'on chante là ça me fait peur là Sougmat du parce que si la télévision émet ces sons là les voitures émet ces sons là et que nous la vue nue que le monde a été sur le puissant du malaise je suppose que ils ont prévu quelque chose derrière ce sont les hommes des esprits qui ont initié qui ont initié ce son qui ont initié ce son c'est pourquoi à un moment donné quand vous le chantez quand vous êtes en harmonie avec l'univers, ça change. L'impression que chaque fois que vous écoutez ça, même les voitures, même les voitures et tout, même quand vous êtes sur une moto, vous écoutez le son là. Oui. Parce que vous êtes toujours connecté à ce son. Oui. Lorsque vous le chantez, lorsque vous êtes toujours. Vous montrez qu'on est baigné dans ce monde, dans cet univers. Et que ce monde appartient à Ikanka, appartient à Ouyou. Donc, si on parle très bien, les membres de Kanka sachent que ils savent que ce monde aussi, c'est pour eux. Et d'où vient le nom de You, You, H-U. Oui. On nous a enseigné que You vient du mot human, par exemple. Humanité. Vous voyez, you, c'est l'esprit. Oui. Et lorsque tu le chantes, les éléments d'esprit, c'est-à-dire que tu es toujours en contact avec les esprits. Oui. Ouais, parce que human, on le sépare en deux. Oui. Il y a H-U, You, et man. C'est-à-dire que l'esprit dans le corps. Le corps. Mm-hmm. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, quand tu chantes le You, c'est que tu l'actives. Mm-hmm. Tu actives l'esprit qui est à l'intérieur. Oui. Et, oui. Et tu es en contact avec tout ce qui se passe. Parce que partout, tous les éléments, le matériel chante le You. Non, on commence à voir dans la simulation. Les chantent le You, les voitures chantent le You, les motos, etc. Partout, chantent le You. Même ton ventilateur, quand, à un moment donné, c'est le son là que tu entends. Tout simplement parce que tu es baigné dans cette atmosphère. On commence à voir la similitude entre cet enseignement et l'enseignement rosicrucien qui dit qu'il faut chercher le Dieu en soi. Voilà. Être en amont avec le Dieu qui est en soi, chacun de nous. Oui, mais avec la lumière de la Bible, c'est toujours quelque chose de. Il y a toujours des maisons communes, chambres à part. Oui, on va retenir cette situation, la maison commune, chambre à part. Donc c'est comme ça que dans les enseignements, j'ai retenu que le You, c'est l'esprit, c'est un son divin. Il faut toujours le chanter, c'est le nom de Dieu même, c'est le nom du Sougmat, c'est ce que nous enseigne. Oui. Le nom de Dieu, le nom du Sougmat. Et curieusement, on dit que celui qui est en tête n'a pas de nom, mais sans nom. Le sans nom, c'est après que je découvre ça dans World Cup. Oui. Dans la Bible de World Cup, dans leur livre. Oui. Okay, mais donc, ici, il y en a, il n'y a pas encore ça. On va y arriver. Donc, c'est dans cette atmosphère-là que tu nais, tu ne rencontres pas l'évangile, tu grandis. Et dans entre parenthèses, quand j'étais petit, quand mon papa avait les problèmes à un moment, une fois on était retiré, je me rappelle très bien quand j'étais petit, j'avais l'habitude que quand il y a les témoins de Jéhovah, non loin de là, je partais, comment on dit en dollar, Nami Benyolo, c'est-à-dire que je disparais, oui. Je n'ai pas écouté. Tu t'éclipses un peu pour essayer d'écouter. La parole, je voyais les livres là. Ça t'a tiré un peu. Oui, ça m'a tiré. Oui. Donc quand ils venaient prêcher la parole, on me cherchait partout au quartier alors que j'étais chez le voisin. Malgré que tu étais familier avec les Kankas. Oui, les Kankas. Maintenant, quand on ne pouvait pas récupérer sa maison de Bonaberry à côté du marché, il est venu nous chercher chez ma maman. Oui. Il était petit toujours, j'avais 9 ans. Je suis parti. Oui. Oui, quand je suis parti, je suis resté là-bas. Donc, je suis là-bas jusqu'à l'âge de quoi, 20 ans. Oui, j'étais là-bas. Et là, tu fréquentais, tu étais intelligent, j'étais premier de la classe. J'étais toujours premier de la classe. Jusqu'à la classe de BPC. Voilà, jusqu'à la classe de BPC. J'ai eu mon BPC. Oui. Ouais. Donc, ça fait que je ne fais que chanter le yu. Mm-hmm. Bien, maintenant. Tu as gravé les échelles là, à l'intérieur de ton père avançait profondément. Il y a eu des initiations. Oui. Comme je le disais, j'avais une initiation d'initiation. Il fallait que je crois, du deuxième classe. Oui. Maintenant, on m'avait demandé de m'habiller en blanc et j'avais acheté aussi les bananes. Oui. Comme fruit. J'avais acheté les bananes. Comme fruit. Comme fruit, j'avais acheté les bananes et comme fruit. Et ça veut dire que je suis ambiant ce jour-là. Alors, j'ai chanté le yu à la maison ici. Mon papa, on a pris rendez-vous avec le monsieur, un ou un ici, qui m'attendait derrière. L'université, on avait un centre là-bas, on appelle ça un centre. Oui. Ouais. Et nous sommes allés là-bas, je suis allé là-bas, j'ai pris mon tasseau, je suis allé seul. Mm-hmm. Je suis arrivé dans une grande salle, j'ai trouvé le monsieur. Vous êtes deux. On était que deux. Et c'est quelque chose de spécial ça, puisque normalement ça se fait en groupe. Oui, vous avez là, on était deux. Oui. Ouais. J'ai déposé la banane quelque part dans un plateau ailleurs. Et nous, on s'est assis et il m'a demandé de chanter. Oui. Bon. Et lorsqu'il a commencé à chanter le yu, on a commencé à chanter le yu, on a commencé à tourner, on a commencé à... Vous êtes lui, toi et lui. Oui, on était seulement deux dans la salle. Oui, vous chantiez ensemble. Ensemble. Mm. On a chanté le yu, chanté le yu, chanté le yu. Et immédiatement, lorsqu'on a fini de chanter le yu, immédiatement, il avait sorti, si bon moment, il avait sorti un mot. Oui. Sur un bout de papier écrit. Un bout de papier, ou quoi, orange, comme ça. Oui, ou jaune. Il m'avait donné, il a dit que voilà ton cadeau. Oui. Oui, c'est ça. Bon, au départ, je n'ai pas perçu s'il avait un mot à la fin, mais je savais qu'il avait un document. Oui. Oui, il a d'abord lu le document. Oui. Et après, on a fermé le document, on l'a déposé sur la table et on s'est mis à chanter le yu. Oui. Oui. C'est-à-dire, on s'assoit, on met les mains ouvertes, les paumes de main ouvertes, en regardant le ciel. Le ciel. Oui. Cette position-là a une explication. Oui, c'est cette posture-là, lorsqu'on chante le yu, lorsqu'on c'est pour montrer qu'on veut s'élever. Oui, les paumes de main, lorsqu'elles sont ouvertes, ça veut dire tout simplement que là, on peut recevoir le cadeau spirituel venant d'en haut. Donc on veut être en contact avec les esprits d'en haut. Ça veut dire que oui, on est en contact avec les esprits d'en haut et on est disposé. On est véritablement disposé. C'est-à-dire qu'on respire. Des techniques d'expiration et d'inspiration. Oui, d'inspiration avant de chanter le yu. C'est-à-dire qu'il faut se relaxer. Oui. Donc c'était comme ça que ça se passait. Donc, et on voit cette similitude avec le yoga également. Oui, dans, en ce moment, des choses qui peuvent se passer au niveau de la paume de main. Et on ressent. Et on ressent ça. Oui. Bien. C'est comme ça qu'on a chanté le yoga. On a fini, il a sorti mon cadeau, il m'a donné un mot ici. Oui. Une statique, et je l'ai pris. Et je l'ai répété, je l'ai gardé dans ma poche. Il a dit que je suis le seul à le garder. Oui. Ce n'est pas parce qu'il l'a vu, mais comme il l'a vu, il va l'oublier parce qu'il y a plusieurs enfants qui vont passer devant lui. Et c'est ce n'est que pour moi, c'est mon seul cadeau. Oui. Voilà comment est-ce que l'initiation s'est passée. À l'issue de cette initiation-là, il n'y a pas eu un événement surnaturel, par exemple, lorsque vous chantiez ces yeux-là, avant que ces frères lui soient donnés comme cadeau. Oui. Là, présentement, je n'ai pas trop constaté un phénomène autre. Oui. Mais je savais quand même qu'il a préparé la salle. Oui. Oui, parce que je sais généralement, mon père disait toujours qu'on prépare la salle. Oui. Oui. Mais quand on faisait quelques commentaires, il me disait que le haut ne se prépare la salle. Donc quand la personne vient, il trouve que c'est déjà préparé. Il a le respect. Oui. Donc ça commence à nous poser un problème. Mm-hmm. Souvent, nous voyons les affiches partout. On parle de qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la spiritualité de l'homme, c'est quoi la Trinité. Venez à cette conférence des Kankas qui exposent à tel. Ça suppose que les gens qui sont. Cette technique de recrutement des nouveaux, des novices, ils peuvent venir dans la salle comme dans cette salle d'hôtel où nous sommes maintenant actuellement. Ça veut dire que les gens peuvent venir dans cette salle, ils entrent sans savoir ce qui se passe et ils baignent dans cet esprit-là comme ça. Et ça lui donne les convictions sans s'en rendre compte. Ce qui est sûr des choses, quand c'est. Quand tu passes d'un degré à un autre, parce que quand tu passes d'un degré à un autre, il faut qu'on t'envoie ce qu'on appelle la feu rose. La feu rose. Oui. Pour dire qu'on t'a accepté. Oui. Maintenant, mais qui l'envoie les mains ça depuis l'Amérique. Depuis l'Amérique. Tu vois, non? Oui, depuis l'Amérique. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, depuis l'Amérique. On t'envoie la feu rose. Pour dire qu'on t'a accepté, c'est pas internet. Oui. Ça ne dérange pas de laisser là, ça va? Non, je vais te dire, c'est chaud. Voilà. Voilà. Je crois que c'est plus calme ici. Donc, votre parent, votre père, vous disait plutôt que c'était pour la protection. Mais protéger contre qui? Étiez-vous en danger? Ou bien vous aimez... c'est une facette de dire, façon de dire, c'est bon pour un. De façon pour envoyer les gens dans cette chose-là. Ce qui est sûr d'une chose, mon papa avait beaucoup d'ennemis, c'est ce qu'il disait, parce qu'il était comme était notable. Et il y avait beaucoup de combats à Bonaberry. Bien avant. Il était notable à la cheville supérieure de Bonaberry. Oui, il y avait beaucoup de combats. Voilà. Il y avait beaucoup de combats, parce que mon papa, je me rappelle très bien, mon papa, avant qu'il soit notable, il a été dans les Kankas depuis. Ça veut dire qu'il nous avait expliqué que lorsqu'il était dans la chambre, il était d'abord dans un autre ordre en fait. Lorsqu'il était chef de personnel à Skene en Corral. Il était dans la chambre. Et chef de personnel en Corral, c'était une société italienne à l'époque qui construisait les maisons, les routes, je crois. Maintenant, il savait que un jour, il a accompagné un à l'ambassadeur américain et il y avait. L'un des conseillers qui est à côté de lui, bon, lorsque l'ambassadeur est entré avec son directeur général, ils étaient dehors. Et le conseiller s'est approché de lui, il a dit que bon, voilà un livre de Kanka. Voilà un maître comme ça, c'est lui qui gère le monde maintenant, c'est eux. Qui gère le monde. Mon papa, bon, il a testé la puissance, il ne sait pas comment il a fait, il a compris que bon, cette puissance est au-dessus d'eux. Il a compris que dans l'ordre où il était, c'était encore au plus petit niveau. Et là, c'est là pour ça intégrer. Entre temps, alors, voilà comment est-ce qu'il a intégré. Il est entré en contact avec les gens de Kanka. Maintenant, on avait loué une maison à Bipanda. On était à l'hôtel. On était là en haut. On louait une maison. On était à l'étage. Il savait alors qu'on est venu attaquer parce qu'il avait les livres et tout. Il avait même la bague. Alors, il m'a dit qu'on est venu attaquer. Les maîtres, c'est qu'ils ont constaté qu'on va le perdre déjà. On est venu attaquer pour le récupérer et tout. Parce qu'on envoie. Donc maintenant, vous êtes en location à Bepanda. Et votre père vous explique que les gens sont venus l'attaquer parce qu'on sent qu'on veut le perdre. On veut le perdre. Et alors, là, ces combats-là, vous n'êtes pas au courant de cela. Lui, c'est le vice. Non, celui c'est celui qui me raconte. Maintenant, voilà comment est-ce que lorsqu'on veut amener son âme, les gens de Kanka ramènent toujours son âme. C'est comme ça qu'il y a eu ce combat jusqu'à ce qu'ils ont abandonné. Lorsqu'ils ont abandonné, ils étaient restés Kanka, regardez que la porte bougeait, les maisons bougeaient, les livres bougeaient. Nous, on était petits. C'est la maman qui nous a confirmé que voilà comment est-ce que ça s'est passé. Et votre maman n'a pas eu peur? Ou bien mais elle m'a quand même dit que c'est le moment, mon père savait ce qui s'est passé lui-même. Lui-même, il savait ce qui. Parce qu'ils sont même allés, je vais vous raconter, ils sont même allés chez un marabout. Et marabout a dit que non, lui, il connaît ce qui a dû se passer, il dérange mal déjà pour elle. Lui, il connaît. Non, c'est comme ça qu'elle a ramené à la maison. Parce que le gars là, il connaît, lui-même, il connaît ce qui se passe. Donc, c'était comme ça. Et votre évolution, parce que nous sommes arrêtés au niveau, vous avez fait l'initiation en blanc. Quand vous êtes rentré, quel était le. La réaction de votre parent et est-ce que la famille dans la famille on connaissait pas ça, seulement à la maison. Papa et moi. Papa et moi. Il était fier parce que j'avais un peu gravi. Et vous savez, quand vous avez gravi, vous avez grandi dans l'initiation. Papa était fier. Bon, maintenant c'est comme ça que je suis toujours à l'école. Intelligent, je n'ai pas de problème. Et bon, il y avait des phénomènes étranges qui se passaient parfois à la maison. Vous voyez, ça c'est. Je dis que je volais l'argent de Madame Billet, comme je l'ai dit. Elle avait un bar là, tu sais, ce marché là, je volais son argent, elle avait volé son argent là-bas. Et... À l'insu de quelqu'un, vous voyez ça physiquement? Oui, je pouvais prendre ça aussi physiquement, oui. Sans que quelqu'un ne sache. Oui. J'étais comme ça. Mm-hmm. Oui, quand l'esprit. J'avais un esprit, moi-même, je ne sais pas ce qui se passait, mais oui, je savais quand même. Pourtant, les enseignements qui sont là-bas, on dit qu'il faut être des gens honnêtes, droits, intègres. Oui, bon, c'est arrivé comme ça. Oui. Je prenais ça comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne sortais pas le loup. Je savais toujours le loup. Je prenais, et ça dit je volais. Quand de prendre sans prendre, demander, c'est voler. Oui. Je volais. Il faut utiliser des termes comme je disais. Oui, je volais, parfois je mentais, mais j'étais intelligent. Il y avait des choses qui se passaient. Une semaine ne pouvait pas passer sans qu'on ait des problèmes à la maison. Oui. Oui. J'ai eu beaucoup sur la nationale au point où j'avais ma soeur, celle qui parle là. Okay. Courage. C'est ma grande soeur. Oui. Elle s'appelle Bibi. Bibi. Oui, c'est l'aîné de toute la famille. Donc c'est l'aîné aussi de Jackie. De Jackie, voilà. Qui est derrière. Mmh. Parce qu'après elle, il y a d'abord une autre. Après. Moi, après, Jacquet, dans Jacquet derrière. Ok. Oui. Il y a encore deux autres qui sont encore les plus petits. Mm-hmm. Oui. Et c'est le pose alors de tête, mais comment elle a fait le mouvement? Qu'est-ce que ça? Donc, on continue. Mm-hmm. Donc, ok. On lui pose, n'est-ce pas? Oui. Bon, vous allez causer après. Absolument. Ok. Donc, ce qui fait que. Je disais que même quand je chantais le you, oui. Vous voyez, je volais, je pouvais voler l'argent de la maman, la femme de mon père, quand elle était là, elle avait une boutique. Oui. Oui, j'avais des petits gestes comme ça. Oui, à un moment donné, il y avait trop de problèmes dans la maison. Mmh. Oui. Même comme j'avais reçu l'initiation. Ça veut dire que malgré cette puissance de protection là, malgré ces enseignements-là, il n'y avait pas la paix à la maison. Il n'y avait pas toujours aussi un semblant de paix. Oui. Bon, sauf que je savais que la femme de mon père était un peu... Parce que je sais que c'était une femme qui bougeait. Elle avait voyagé pour aller chez les marabouts, un peu partout. Elle avait, une fois qu'elle était revenue, j'avais les pieds. On l'avait, c'est pas dessiné les pieds, bon, elle était au nord, oui, il savait qu'elle était au nord, elle avait mangé. Les teintures, comme les Aoussa. Oui. Oui, autant de choses, elle avait demandé, je vois, ne pas se laver pendant 3 jours. Oui. Bon, il savait même qu'elle avait amené, il a fait la photo de papa chez un marabout. Oui. Elle avait mis dans une bouteille, c'est pas, on l'avait fermé, il savait que la bouteille s'était exposée là-bas. Oui. Et le marabout, après, il était décédé. Oui. Et le papa lui avait averti que ce que tu as vu, ce que tu as fait, plus jamais, je ne veux plus que mes photos sortent de cette maison. Donc voilà un peu ce qui se passait. Ouais. Et dans cette atmosphère, est-ce qu'il t'arrivait toi également aussi de faire la pratique, c'est-à-dire hormis les enseignements dans le cadre de la réunion, mm-hmm. Il y a les exercices que vous faites avec. Oui, il y avait les mantras qu'on chantait, qu'on nous avait donné dans les livres. Quand tu lisais le livre, tu trouvais même un mot, un mantra. Qu'il faut réciter. Mm-hmm. C'était un mantra d'ouverture pour aller dans. Comment on appelle ça? Ils appellent ça, par exemple, Shambhala. Oui. C'était l'un des endroits ou lieux, oui. Hors de notre planète. Le but d'aller là-bas, c'est pour recevoir, rencontrer des maîtres, oui, des puissances et rencontrer d'autres maîtres. Oui. Puis rentrer encore ici. Et curieusement, les enseignements des Kankas, la Rose-Croix, dit que le cadre matériel, c'est le cadre le plus bas. Oui. Que l'homme doit se réaliser pour monter vers les états supérieurs. Supérieur. Pourquoi donc aller dans ces états-là et rentrer encore ici? Quand on regarde le tableau, j'ai dit il y a astral, causal, mental, éthérique. Je vous ai même dit que. Astral, causal, mental, éthérique. Elle a vu aussi. Dans la maison, c'était là, la maison. Mais non, on connaissait ce que c'est. On pratiquait cela. C'était dans la maison là. Ok, c'était la maison comme une œuvre d'art, comme on mettra. Oui, c'était là. Mais c'était un tableau qui avait les plans. Ok. Oui, les plans du monde. Oui. Wow. On avait que là les plans du monde. Dans le monde ex, astral, causal, mental, éthérique. Oui. Et il y a autre chose. Oui. Donc, quand tu es au niveau des sons, il y avait Amalog, Lalog, et ce sont des choses. Jusqu'à ce que tu arrives au You. Oui. Et ça, sont les étapes d'initiation. Voilà. Et puis, on a des différents niveaux jusqu'à 33e degré. Voilà. Donc, il y avait le côté plan, astral, causal, mental, éthérique, plusieurs plans jusqu'à ce que tu arrives plan haut. Oui. Il y avait le son, les différents sons. Tu as vu au sommet. Oui. Il y avait aussi ces différents sons et différents plans. Il y avait au troisième plan, par exemple, j'ai toujours retenu ça, que il y avait Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah était là au troisième plan. Qu'est-ce que Jéhovah vient faire dans votre plan? Oui, il y avait ça. C'est vrai que je dis qu'il y a des risques tout ça là-dedans. Oui. Vous comprenez pas. Il est le nom secret. Le nom secret. Et là, il se trouve au troisième niveau. Et là, au-dessus, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un sans nom. Bon, ça, c'est dans le. Dans le West Street. Mais ici, il y avait le Sukhma. Dans le plan. Oui, dans ce plan, en haut là. Et au-dessus des Jéhovah. Oui, sur ma, là-bas, sur ma tête, au-dessus de Jéhovah. C'est pas curieux ça. Et ici, Jéhovah se trouve sur le troisième plan. En ce moment, je ne disais pas encore la Bible. Oui. Pas et savoir. À la fin, il se retrouve au troisième degré d'initiation si on, par rapport voilà, à ce nom-là. Par rapport à ce nom. Donc, oui. Soukmal était au-dessus de Jéhovah. Oui. Quand vous êtes avec Ankara, il y a le tableau là, vous voyez textuellement que Soukmal est au-dessus de Jéhovah. Oui. Oui. Dans le You, c'était un nom secret sacré de Dieu. Oui. C'était le nom secret sacré de You. Oui. Oui, donc, tant on le chantait, on activait. Oui. Et pour activer ce qu'on appelle les chakras. Et les chakras pour activer. Les chakras, c'est ça les portes de Dieu. Il y avait là. Il y avait sept portes. Oui. Oui. Dans chaque corps humain. Dans chaque corps humain, il y avait sept portes. Et ces portes servent à quoi? C'est la porte de sortie. Ce sont les portes de sortie. De l'âme. De l'âme. Oui. Porte donc, quelqu'un peut décider de sortir par la tête, comme par oui, le bras. Oui, il peut sortir par les chakras. Passer par là, par là, par là, par le plexus, par là même. Il pourrait sortir. Oui. Oui, ce sont des portes de sortie. C'est pourquoi généralement, quand vous voyez par exemple le frontalier de l'enfant bas, oui, oui, on a l'habitude de dire que bon, l'enfant, si on ne finit pas ce bâtiment-là, il oui. aura l'habitude de sortir, sortir, il va sortir facilement, oui, et rentrer. C'est bien, il faut qu'on finisse ça. Oui, c'était comme ça. Donc, c'est comme ça, dans ce mouvement-là, je chante le You. Oui. Le You, les exercices personnels que tu faisais. Oui. Quels étaient les résultats de ces exercices? Le résultat de ces exercices, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on activait, on pourrait donner un mantra, on dit ça c'est pour l'élévation, oui. Ça c'est pour que la porte de telle sorte, soit de Shambhala, soit ouverte pour que tu y entres, oui, oui ça c'est pour avoir, pour aller déquitter d'une étape à une autre, oui. supérieure. Donc il y avait plusieurs éléments comme ça, plusieurs raisons, oui. Vous comprenez un peu, voilà, ou peut-être il y avait un exercice pour être accompagné, quand lorsque tu appelles ça, le maître c'est l'étor, oui. vous accompagne. Oui. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il n'est pas de notre plan ici. Il n'est pas de notre plan. Mm-hmm. Voilà. Il peut être partout. On disait souvent qu'ici et maintenant. Oui. Donc il peut être ici, il peut être ailleurs. Oui. Vous comprenez un peu. Si on l'invoque, ce sont des gars. Lui, il peut se multiplier. Oui. Lui, il peut être partout. C'est ça. Il est présent. Donc, déjà vu de l'extérieur, un oui. observateur de l'extérieur, est-ce qu'il a raison de dire par exemple que le gars, c'est une secte pernicieuse, une secte mauvaise, c'est mauvais d'y entrer? Vous maintenant qui avait été là-dedans. Oui, et quand tu regardes la face extérieure, oui. tu as l'impression qu'il n'y a rien oui. au départ. Tu as l'impression que c'est même religieux parce qu'on recevait des petits brochures et tout et tout et tout. Alors que c'est des attractions. Maintenant, quand tu commences à pratiquer, oui. je vous ai dit là-dedans, si quelqu'un vous aime, un haut lycée, oui. il peut vous prendre, il vous donne certains exercices que eux reçoivent que vous ne recevez pas, malgré que vous venez au centre. Oui. Donc ça veut dire que les séances normales, il y a des séances obscures, des séances... Oui, il peut recevoir, il fait ça peut-être chez lui, oui. il reçoit un cadeau. S'il est content, il peut te donner. Oui, oui il a son net, il a internet, il peut... Ce qu'il reçoit dans, son, dans, sa, de, boîte. Dans sa boîte oui. est différent de ce que vous faites là. Oui. Donc on traite par personne, oui. cas par cas. Oui, cas par cas. Donc ça dépend du cœur, la disponibilité du cœur, la disposition des chakras, oui, les portes d'ouverture, oui. ça dépend de la personne. Oui. Oui, et dans ça. Votre cas, puisque votre papa était dedans et que c'était un grand maître, c'était quelqu'un qui était poussé, un gros haut initié. Oui, il était l'un des hauts initiés. N'était-il pas quoi, indiquer des voies, comment on fait pour graver des échelons Où est-ce que je vois une fois de plus la puissance? Je vous ai dit que par exemple lorsque tu as Yaoundé, oui. on nous a dit que les maîtres ont apparu, oui, là la maison aussi, et la maison c'était comme le temple, oui, oui, même comme vous voyez les photos des maîtres là, il faut faire attention, il faut savoir que ça, les maîtres ils sont là, oui, oui. Bon, avec Kanka il n'y avait pas trop de photos, oui. j'ai bon souvenir, mais avec le Way of Truth c'est bien développé, oui, on a eu beaucoup de photos dans la maison. Beaucoup de photos dans la maison. Quand je partais, moi, c'est moi qui portais les photos oui. pour mener au centre. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, beaucoup de photos. Je vous ai dit, on va venir au stade de. C'est là où votre développement s'est bien commencé. Oui, ça a commencé d'abord dans les cancans. Alors, c'est dans les cancans qu'il est dans la chiffre aussi. Mm-hmm. C'est comme ça que Kanka le sauve. Oui. Il nous a encore raconté que, bon, lui, lorsqu'il est parti à... Il y avait rendez-vous à Djebalé, Djebalé qui est une île qui est à côté. Djebalé, oui. Oui. C'est un quartier. C'est une île. Une île. Ok. C'est une île. Ça fait qu'ils sont allés là-bas avec les enfants de Bounaberry. Il y avait réunion. C'était un notable. Il y avait les anciens notables. Oui. Et c'était un collège. Oui. Oui, notable, oui. Ils sont allés là-bas. Eux, c'était les jeunes. Oui. Oui, notables. Et les anciens notables, il y avait une réunion là-bas. Oui. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés au milieu, il y avait un monsieur qui voulait vendre le notable là, avec un ancien notable. Oui. Oui. Oui. Il a lancé le paquet. Il a oublié là où devait lancer normalement le paquet. Ils ont traversé l'endroit. Oui. Lorsqu'ils ont lancé le paquet, l'eau a été troublée. Oui. Alors le monsieur voulait disparaître, le papa l'avait arrêté. Oui. Que tu ne pars pas. Oui. Oui. Il a arrêté jusqu'à... Il a arrêté le gars. Donc celui-là, il a pratiqué pour au cas où c'est... Ça tombe, si ça tombe le paquet tombe là, ils vont chavirer. Oui, ils disparaissent et ils vont chavirer. Et ton père connaissait cela? Oui. Non, il a su ça immédiatement. L'esprit a demandé d'arrêter le monsieur. Comme ça, et je ne bouge pas. Nous tous sommes en ce moment là. Oui, ça a commencé à chavirer, ça fait immédiatement. Tous sont tombés dans l'eau. Oui. Oui. Lorsqu'ils sont tombés dans l'eau, il y avait aussi une maman à Bounaberry qui voulait prendre son fils. Oui. Oui. Elle a même monté, on l'appelait la princesse. C'est elle qui avait, si elle ne devait pas son fils, et son fils là, était un ami de papa. Oui. Entre temps, papa avait lâché l'autre. Oui. Oui, maintenant, celui-là, papa l'a arrêté. Oui. Lorsqu'il l'a arrêté, on le tirait aussi dans l'eau. Qui le tirait dans l'eau? Il y avait des esprits de l'eau qui le tiraient dans l'eau. Oui. Parce que c'est le même monsieur. Non, l'autre, oui. Le jeune là. Oui. Oui, papa l'avait arrêté. C'était ça, c'était un ami à lui. Oui. Papa l'avait arrêté, l'a saisi. Oui. Immédiatement, lorsqu'il avait une carte du maître qui est tombée dans l'eau, lorsque la carte s'est fendue en deux, papa a compris qu'il faut qu'il le laisse. Voilà comment est-ce que papa avait compris. Et c'est comme ça qu'il était mort. Et on avait expliqué que non, c'est sa propre maman qui l'avait vendu. Alors, il fallait le laisser. Oui. Voilà comment est-ce que ça s'est passé. Donc c'est un combat perpétuel entre les puissances des différents groupes. Des différents avec groupes. Différents noms. Il y a les puissances de l'eau, il y a les puissances de la terre, de la terre, etc. Oui. Donc ça fait que vous voyez, il était protégé comme ça. Oui. Oui. Mais je savais que c'est après que j'ai appris que mon papa avait, il est en train d'un peu dans plusieurs ordres. Hein. Oui. Oui, c'est après que j'ai su ça. Oui. Mais bon, on savait que c'était de la Botanka. Oui. Maintenant, lorsque il entre dans la mairie. Oui. Oui. Il est à la mairie. C'est là où on l'accuse qu'il avait distrait les fonds. Oui. Parce qu'il était le quittancier. Il était quittancier. Un peu comme un trésorier. Les gens de les patentes là, les motos viennent et ils établissent les patentes. Oui. Oui. Donc il tenait le quittancier. Bon, il savait qu'il avait pris plus de l'argent. Oui, ça ne correspond pas avec ce qu'il y avait. Oui. En tout cas, le monsieur qui le commandait avait les preuves. Oui. Alors le monsieur, sa femme l'a rangé bien, l'a bien vêtue, a pris le papier, a mis ici, il y avait conseil lundi. Oui, donc nous sommes dimanche peut-être, oui. Il y a lundi, le lendemain. Oui, voilà. Le conseil va réunir. Et votre père sait qu'il est coupable. Il est coupable. On a il est à prier, n'importe comment, ça ne lui donne pas. Oui. Il sait que quelque chose va se passer. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. C'est une grande table. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. En tout cas, c'était alors le passage de Ekanka à World Truth. Donc c'est l'événement donc qui va faire le permettre de quitter Ekanka pour World Truth. Oui. Un ami vient à la maison, lui dit que bon gars, sache que ce n'est plus le maître qui nous commande. Oui. Il y a un autre maître, un autre donc, au sommet donc de la secte Ekanka, il y a une bataille terrible dans les cieux. Dans les cieux. Oui, il y a une bataille terrible. Au point où ils vont se diviser. Donc, parce que le maître de World Truth va expliquer ça dans son livre. Donc même en haut là-bas, il y avait une bataille. Oui, les démons au mieux. Les démons. Oui, les esprits vont se bataillir, effectivement. Et ils vont se chamailler là-bas. Ils vont se diviser. Les gars vont cracher le feu. Les gregos vont. Effectivement, ils vont se diviser. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe. Les neuf silencieux vont décider. Oui. De donner notre maître, oui. De sortir notre maître. Oui. Parce que celui-ci, il avait fait presque 20 ans. Oui. Alors voilà. Là, ça commence à poser problème. Oui. Les neuf silencieux, vous avez dit tout à l'heure en expliquant, c'est dans le monde spirituel. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Qui doit être là. Maintenant donne le bâton de commandement. Il donne le bâton de commandement à un esprit qui est toujours là-bas. Oui, qui maintenant, il a son représentant, cet esprit-là qui est le plus grand, à son esprit représentant sur la terre. Oui. Maintenant, oui. Le représentant sur la terre doit savoir que lui aussi, on lui a donné. On lui a donné. Or, lui, il voulait un défunt. Oui. lui choisissait maintenant lui son dauphin. Son dauphin à lui. Lui à lui. Alors, on ne choisit pas. C'est de venir de là. C'est devenu d'en haut. Donc étant sur la terre, ayant reçu le commandement normalement, il voudrait que son successeur, ce qu'on appelle le successeur, c'est lui qui voulait désigner. Oui. Alors que l'ordre est dans le cadre cosmique. Oui, cosmique. Alors je pose donc la question. Je suppose que le grand maître des Kanka qui se trouve ici étant humain, a derrière une entité qui est normalement le commandant. Oui. Et donc celui sur la terre n'est qu'une marionnette que Macomb manipule depuis le ciel. Ça veut dire qu'il est physique et il est aussi spirituel. Est-ce que c'est un être humain normal comme toi et moi? Il porte le costume, mange avec toi, il est normal. Ça veut dire que des démons en chair. Ok, je comprends. Donc voilà. Ça veut dire que ce sont des êtres qui sont des forces. Ce sont des êtres humains qui ont les portes interdimensionnelles qui peuvent aller dans l'autre dimension et dans l'autre. Oui, parce que je me rappelle très bien lorsqu'il était à Minneapolis, lorsque il a fait une conférence à Minneapolis. Oui. Vous comprenez? Il a demandé à tout le monde de sortir. Là, il leur a dit dans la salle que sortez et vous allez voir comment on a écrit mon nom. Oui. Mon nom spirituel. Oui. Je me rappelle très bien. Oui. Son nom spirituel, c'était Wazi. Wazi. Oui. Et c'était écrit W-A-Z-I. Oui. Wazi. Vous comprenez un peu, W A N T D'ignore et Z. Il, donc, il fallait chanter ça parfois, il dirait on essaie de chanter souvent ça. Oui. Wazi, Wazi, quelque chose. Donc, et on m'avait donné le nom de chanter ça. Oui. Donc, il était en train de faire la conférence. Oui. Oui. À Minneapolis. Oui. Oui. Il a dit, comme sortez maintenant, vous allez voir comment les anges sont en train d'écrire mon nom. Oui. Et on avait filmé comment son nom. On écrivait son ciel. Dans le ciel. Dans le ciel comme ça. Oui. C'est vrai. Oui, les anges étaient décrits son nom. Et là, mais là, ça se trouve dans vos livres. Dans les livres, c'est sorti partout, paru dans les journaux, partout, tout ça. Oui. Oui. Donc, c'était ça. Et donc là, celui-là occupe des grands postes aux États-Unis. Oui, lui, il a aussi un poste là-bas, je ne sais pas lequel, mais il a même ok, dans le cadre physique, dans le cadre séculier. Oui. Okay. Bon, maintenant. Nous sommes à l'état où votre père est dans une situation où on risque de lui de ses fonctions, accusé et même le condamner. Il est en état de méditation. Oui. Et un ami vient lui proposer de ce n'est plus le rôle, des bagages sont là-bas. Ce n'est plus Ekanga. Maintenant, on lui propose, allons-y. Il propose le livre. Oui. Et quand il lit, il fait l'exercice. Oui. Ça veut dire là. Maintenant, il sent que non. Ici, ça doit y avoir quelque chose, il ressent. Oui. Quelque chose maintenant. Il fait l'email. Oui. On dit que oui, on lui répond que effectivement. C'est tel que maintenant qu'il gère. Bon, il vient de commencer, oui. Mais il fait quand même confiance. Lui s'engage seulement. Oui. Il meurt parce que c'est comme ça lui. Il prend ses bons conseils. Il fonce. Il prend le livre, il met sur la poitrine et il dort le dimanche soir. Mais avant ça, pendant ce passage-là, il y avait une bataille, comme je vous disais. Oui. Il y avait une très grande bataille qui se passait dans les cieux. Oui. Oui. Ils se sont difficiles. Ceux qui sont allés avec ceux à reculer. Les schismes dans ce groupe-là. Dans ce groupe-là. Ceux qui sont allés avec eux. Celui Aaron Klein, qui est le maître de Kanka, et d'autres sont restés sur le neuf silencieux, qui est le nouveau maître, le nouveau maître, on l'appelle, c'est un noir, c'est noir, il s'appelle, c'est un noir, il est africain, il est noir américain. Il est noir américain. Oui. Mais pourquoi c'est toujours les maîtres sont toujours en Amérique? Pourquoi? Je ne sais pas, mais il est noir. Oui. Oui. C'est l'autre là, Sri Michael Owens. Sri Michael Owens. Owens. Donc lui, il est le premier président ou bien premier maître. C'est lui le maître de World Trust. Il est encore vivant. Il est vivant. Je vous ai dit que c'est lui qui est le conseiller de Barack Obama. Ok, le conseiller de Barack Obama. Ah. Donc il connaît Barack Obama avant que Barack Obama aille à la présidence. Cette étape-là, on va expliquer. On va arriver. Donc, là maintenant, au niveau du papa, quand on lui dit comme ça, il prend. Il dort. Oui. En méditation. Et là, il est avec. Of truth. Oui. Maintenant, pour la confirmation, par rapport à la situation qu'il a de vivre, on lui démontre qu'effectivement, c'est le Lord of truth. Oui. Quand il vient le matin, on demande au monsieur, dans la réunion comme ça, là, on demande au soir, là, la preuve. Oui. Est-ce que on lui a d'abord dit cela qu'il n'aura pas à faire face à ce jugement-là? Non, on lui a montré ça. Dans voilà comment ça va se passer. Oui. Donc, le gars monté sur l'escalier avec la preuve. Ça va vraiment bien la preuve. Dans sa veste. Dans sa veste. Oui. Les maîtres sont venus enlever. Et on leur montre l'image. Oui, on leur montre ça. Oui. En donc, en les partant le matin, lundi, il avait l'assurance. Que, voilà, on l'a enlevé, la preuve. Oui. Oui. Il avait l'assurance. Il s'est assis comme ça là. Il savait que le résultat était à bon. Oui. Voilà, donc on a demandé aussi de montrer la preuve, il cherche la preuve, il est devenu ridicule. Il vient ridicule devant les messieurs. Et on a levé la séance. La séance. Et votre père a été acquitté. Acquitté. Malgré qu'il était coupable. Coupable. Donc avec l'aide des esprits, les esprits ont couvert sa culpabilité. Et c'est comme ça qu'il est resté. Il s'engage totalement donc, dans le off-tout. Et par conséquent, et vous, plus c'est vous en train de vous balancer dans le off-tout. Voilà. Donc, voilà, moi, votre grand-sœur dit qu'il est en train de tromper, il est en train de kick. C'est vrai que celle qui me suit, parce que. Donc toi, tu n'étais pas impliqué avec... Non, non, j'ai commencé au niveau des Kankas. Tu as des étés. Oui. Donc, ça fait que quand on est quitté là, mais je voulais dire autre chose. Vous savez, quand vous êtes dans ces histoires-là, je me rappelle très bien, voilà ma grande soeur, j'avais un rapprochement auprès d'elle, vous comprenez. Oui, j'avais toujours l'attirance auprès des femmes. Et subitement, j'avais un rapprochement auprès d'elle, elle, ma grande soeur, vous comprenez. Au point où, lorsqu'elle allait voir le papa, on m'avait fouetté. Mes amis comme ça, là, moi, fouetté bien même. Vous avez compris. On t'a enseigné le droit chemin. Le droit avec le fou à chicote. Moi-même, j'ai confirmé le jour-là. On m'avait bien fouetté. Mais qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que tu n'avais pas? Je ne peux pas expliquer ça, mais j'étais comme ça. Oui. Voilà. Voilà, vous comprenez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Oui, puisqu'elle est là. Qu'est-ce que ça faisait? Vous étiez jeune à ce moment-là. Qu'est-ce que tu dis? Donc, c'était comme ça. Et tant que tu savais ce qui se ressentait. Comme oui, comme on était le petit là, elle est partie directement dire à papa. Et on nous a tous réunis dans la maison. On a mis un banc comme ça long. On m'a mis là. On m'a fouetté correctement et bien. Vous comprenez? Je ne peux pas. Qui a fouetté? Papa. Maman, lui, vous étiez dans le même ordre. Oui. Il m'a fouetté correctement et bien. Oui. Donc, là, vous étiez dans le vous trouvez bien. Non, je suis encore cancan. Et là, tu as appris la leçon. J'ai appris la leçon. Donc, tu essaies de maîtriser tes pulsions désormais. Voilà. Donc, ça fait que. Et il y avait aussi beaucoup d'accusations. Il y a fait une semaine ne pouvait pas passer. Oui. Ça qui a eu des problèmes sur Madame Milan, tout le babalé, que telle chose a disparu, machin, il y avait des petites accusations, il y avait des choses terribles. C'est-à-dire qu'on avait constaté ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux nous dire que comme la semaine se commence là, vraiment, si elle ne babale pas, si la maman ne babale pas, tu dis Dieu merci. Oui. Au point où je me rappelle très bien, on m'avait accusé même de que j'avais volé la brouette et les bidons d'huile et tout, je n'ai pas compris comment ça s'est passé. C'est comme ça comme le papa a l'abord que j'ai d'abord dehors. Parce que je constamment il nous fait sortir. Oui. Oui, on partait voir la grand-mère. Il n'y avait pas de protection de comme tu es son allié, son unité. Quand il devient fou là, il n'y a pas que non, il te fait d'abord dehors. Allez aider le monde dehors. D'abord dehors. C'était comme ça. Oui, vous avez parlé. Et on partait voir la grand-mère pour que la grand-mère nous ramène à la maison. Ça m'a. Vous avez parlé tout à l'heure du conseiller de Barack Obama, le noir, celui qui est le chef maintenant, le maître de Way of Truth. Le Way of Truth, il y a cette scission entre les Kankas et pour former le Way of Truth, Barack Obama n'est pas encore président. Voilà. Et par conséquent, celui-là n'est pas encore président. N'est pas encore président. Mm-hmm. Comment il devient conseiller de Barack Obama? Il est conseiller de Barack Obama après cette annonce. On dit que Barack Obama doit être président. Maintenant, lorsque papa y a mis dans le Way of Truth, oui. On commence à faire les séances du Way of Truth. Oui. C'est comme ça que. Eux qui sont les premiers avec certaines personnes, immédiatement. Oui, papa, je vous relance tout à l'heure. Vu que vous avez les photos des maîtres, comment ça se passe? Votre père, il brûle, il Non. Il y a, on lui envoie l'email. C'est là qu'on va envoyer même une série de maîtres, de photos des maîtres. Et qu'est-ce qu'il fait des autres maîtres, des autres photos des maîtres qu'il avait d'abord? Oui, comment on appelle ça? Curieusement, les photos qu'il avait. Oui. En fait, c'est les quelques maîtres qu'il avait. Parce que je lui ai dit que dans Ikanka, on n'avait pas. À la maison, il y avait. Non, il y avait d'autres photos. Alors, comme c'était le maître. Mais il y avait d'autres photos des autres maîtres. Mais qui n'étaient là, ce n'était pas nombreux. Oui. C'est dans. Les photos vont se développer. On aura plusieurs photos dans le World Truth. Oui. Avec le World Truth, sera beaucoup plus, encore plus ouvert que Ikanka. Oui. En termes de spiritualité. Oui. Oh, et quelqu'un beaucoup devient encore religieux. Oui. On ne fait que des lèvres et tout. Mais là-bas, on fait, les photos. Tu te consommes maintenant beaucoup avec n'importe quelle photo que tu veux. Nous sommes dans le cadre de Way of Truth. Tu vas nous expliquer à quoi servent ces photos, comment ça fait et les résultats qui se passent là. Voilà. Donc maintenant, intéressons-nous à ces conseillers, votre papa, la nouvelle donnée maintenant. Oui. Les choses changent, les pratiques changent, et y compris dans ta vie. Oui. Le constat d'abord, c'est que. On chante toujours le you, c'est ce qu'on dit. Oui. Dans la musique, vous chantez. Oui, le son qui est universel, le son qui est le maître, c'est le nom du maître. Mais maintenant, dans le world, c'est là qu'on constate que l'enseignement, il y a plusieurs sougmates, comme je vous ai dit précédemment. Il y a plusieurs sougmates. Alors que dans l'autre échelle, il y en a un seul. Oui, ici, il y a plusieurs sougmates. Et au-delà des sougmates, il y a le sans nom. Et on ne parle pas de l'autre tableau. Non, il n'y a pas ça là-bas. On ne parle pas ça là-bas. Avec Kankan. Maintenant, là-dedans, on parle de Satan. Oui. Satan, qui est un agent secret sacré de Dieu. C'est-à-dire qu'on a appris ça dans Kankan. Oui. C'est la même chose ici, dans Love Truth. Agent secret sacré. C'est-à-dire que c'est agent secret sacré de Dieu. Oui. C'est-à-dire que c'est celui qui vient, il te tente. Oui, parce qu'il connaît Dieu. Il voit si tu es fidèle, à si Dieu. Tu es persévérant à Dieu. Or, le Dieu de là-bas, oui. c'est le Saint-Nom. Oui. De là-bas, le Soukmat, quand tu es à petit niveau, oui. d'un grand niveau, c'est le Saint-Nom. Oui. Tu vois si Dieu. Et on donnait toujours l'exemple par rapport à Job. Job, oui. Vous voyez comment. Donc, citer des petits versets comme ça. Tu mets en temps. Oui, c'était comme ça. Mais quand tu es là, vous voyez que c'est logique. Oui, on voit que c'est logique. Donc, quand on lit un peu, on dit bon, Satan est venu, Satan est toujours celui qui est avec Dieu. Il est venu à la réunion, il a trouvé Dieu assis avec ses enfants. Et, oui. et justement, là-bas, on ne vous fait pas étape du fait que ce que vous en avez fait à travers Satan. Non, non, non. Vous voyez plus. On nous fait comprendre que non, Satan existe, mais Satan, c'est un agent, c'est que ça que Dieu. Non, c'est vous, ça ne le concerne pas. Oui. Alors qu'on vous déconcentre, ne sachant pas que c'est toujours lui qui vous C'est fait. Toujours lui conseil. Oui. Maison commune, chambre à part. Oui. Donc, c'est comme ça, c'est toujours le conseil. Oui. Nous sommes là dans la cacophonie, là, nous on te demande que non. C'était comme ça, Jean Zoua. Voilà, Jean Zoua avait dit sa cardinal tout mais maison commune, chambre à part. Pour dire que dans une maison, les plus de chambres là, Wolf Tour, Kanka, Rose, quoi, franc-maçonnerie, Rotary Club, patati patata, mais on va se retrouver au salon. Nous sommes à la réunion parentale. Parentale, oui. Donc, là-dedans. On ne devait même pas comprendre que non, et Kanka et Wolftout. À un moment donné, oui. on avait déjà les gens de Kanka, on savait que non, voilà les gens de Kanka, voilà les gens de Wolftout. Oui. Donc, physiquement, il y avait des frictions déjà. Oui, on ne se mélangeait pas avec les gens de Kanka. Oui. Ou nous, on disait même que les gens de Kanka sont tous sorciers. Nous, on pratique la spiritualité, eux, parce qu'il y a la sorcellerie. Les gens meurent là-bas beaucoup. Quand il y avait deux là-bas, c'était très grave. Les gens mouraient terriblement. Oui. Et on nous faisait, les hauts ici, nous faisaient comprendre que c'est parce qu'ils n'ont plus la protection. Oui. Parce qu'ils n'ont pas réussi le patron du Batatas. Oui, oui. Balatas, ce n'est plus eux. Oui. Voilà comment ça s'est passé. Oui. Voilà les informations qu'on nous donnait. Ok, nous sommes déjà dans le World Cup. Et là, il doit avoir maintenant pour prochainement l'élection de Barack Obama. Oui. Quelle est l'instigation? Non, on nous envoie l'email. On nous envoie l'email de prier. En ce moment, maintenant, il faut que je vous explique bien. Oui. Lorsque je suis en terminale, oui. je quitte un jour, je viens ici. Oui. Je rends une visite, je repars. Oui. Maintenant, quand je veux revenir après le bac, mon papa m'amène immédiatement à Balmayo. Balmayo, oui. oui. Mais avant ça, j'avais. Quand j'étais à l'internat, oui. je ne chantais pas le You là-bas. Donc quand tu quittes la maison familiale. Familiale, quand je pars à l'ouest, je ne chantais pas le You. Oui. J'avais raté le bac 5 fois. 4 fois. Oui. Et la cinquième fois, j'avais eu. Oui. La cinquième fois, c'était à l'ouest. Oui. Et là, vous quand tu es retiré du cadre familial. Oui, quand je quittais Douala, je suis allé à l'ouest. C'est l'ouest que tu chantes. Dans la chambre, on était à collège, il y a les gars de Mbo. Oui. Oui. Moi, quand vous partez là-bas, on appelle Mbale. C'est un collège religieux. Oui, eux, c'est qui ont ça. L'église évangélique. L'église évangélique. Cameroun. Oui, quand vous partez là-bas, j'étais chef de dortoir, j'étais chef du bloc de oui. tous les hommes. Donc, le chef de là, c'était suivi seulement partout. Oui, c'était comme ça. Donc, c'était un peu la franchise, j'avais ma façon de faire. Oui. Oui. Ah, il s'avère alors que, étant là-bas, c'est, il y a eu. Les gars, je les réveillais aux environs de 3-4 heures oui. pour étudier. Oui. oui. Parce que j'étais trop engagé, je voulais vraiment pour le préparatoire. Mais ils savaient que j'avais le nouveau testament que j'avais pris mon voisin de mon cochambré. Oui. J'avais pris mon nouveau testament et je lisais les psaumes. Oui. Je vous avais dit que dès le départ, dès le passage, je fouillais toujours pour aller écouter. Il y avait toujours cette passion. Oui, il y avait toujours cette passion. C'était comme ça. Alors, quand je suis pas chez mon père, je suis loin. Oui, je pars toujours dans. La Bible, j'étais toujours en train de lire. Ça fait que je suis allé là-bas et commencé à lire. Je lisais les psaumes, on priait. Chaque matin, le dimanche, on partait se prier. Oui. Tous les élèves, c'était comme ça. Mais rien ne venait dans ta pensée pour dire cette prière si. Zéro. Quand je suis couché là-bas, j'avais mon morceau que je chantais. Je suis la lumière du monde. J'avais un morceau que je chantais comme ça, moi. Oui. oui. Et maintenant, après le baccalauréat. Oui, quand je suis revenu maintenant. Oui. Entre dans le You encore. Il est entré dans le You. Le Nouveau Testament. Oui, papa m'appelle, il me dit que bon, voilà le nouveau notable et tout. Oui. Et maintenant, c'est qu'on a réunion samedi, on va aller en Bamayo. Oui. Maintenant, on va en Bamayo. Je fais d'abord l'exercice, une semaine, on se voit. Maintenant, je vais en Bamayo. Oui. Quand on arrive en Bamayo, il y a maintenant les roues initiées. Donc, les donc en prélude à la réunion de Mbalmayo, oui. tout juste après Yaoundé. Tu fais d'abord une séance de. Oui, lui et moi, on oui. travaille, on chante le yo, il me dit, bon, je chante tel mantra, je chante. Ça se passe à la maison. À la maison. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Dans un coin, on chante notre mantra et tout, tout. Bon, quand les enfants savent que nous sommes en train de chanter, bon, ils se limitent à la cuisine, quoi. Oui. Il n'y a pas de problème, on chante 100 fois. Mais quand on veut faire un exercice important, on va dans la chambre. Oui. Parce qu'il y avait une chambre sérieuse. Oui. On pouvait rester là-bas, on ferme la porte et on se concentre. Oui. Voilà. pour une ligne. Et là, tout le monde voit quelque chose de normal. Voilà, à la maison, tout le monde sait quelque chose de normal. Même si c'était pas le droit de dire quoi. C'est le père d'un ami. Parce qu'il était. Il a dit que Jacques vous a dit que mon papa était. Il avait le sang chaud. Voilà, ne blaguez pas. C'était comme ça. Quand on arrive en Bamayo, c'est comme ça qu'on programme. L'email était venu, on m'a programmé. Qui est venu? L'email était venu. Ok, ok, donc on a envoyé le message. Message. Oui. Bon, on m'a programmé que c'est moi qui vais coordonner le You. Donc ça veut dire que depuis donc, l'Amérique. On a parlé des programmes. C'est depuis l'Amérique. L'Amérique, on avait programmé, on m'avait programmé que je vais chanter. Oui. Diriger le You. Ah, tout à moi, je ne savais pas qu'il y avait un monsieur qui n'était pas content. Oui. Oui, monsieur Manga. Dans la salle. Là, oui. Un ami de papa. Hein. Oui. Mais il n'était pas. Il n'avait pas apprécié. Parce qu'apparemment, tu étais jeune. Ce jour-là, il y avait M. Pinda, il y avait M. Manga. Mais Manga qui gérait les papiers ne voulait pas que je dirige le You ce jour-là. Oui, on était en maman. Il y avait les rounes ici, même les gens que je ne connaissais pas. Oui. Oui, je vous ai dit que le You of tout est un peu étendu, mais parfois tu rencontres les nouvelles personnes, tu ne connais pas tout. Or, le papa connaît. Il savait qu'il s'est rencontré à Internet et tout et tout. Oui. Lorsque je suis allé devant, je me suis assis, je leur ai demandé qu'on se relaxe, qu'on ferme les yeux. Oui. Oui. Et ça ne vous a pas, ça ne t'a pas dérangé de voir toutes ces autres personnalités, des gens vieux en âge? Non, ils avaient leur voiture, ils avaient l'âge, moi je ne les connais pas. Oui. Moi, mon problème, c'est que je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Oui. Bon, il y a plusieurs photos, même les maîtres que je n'avais jamais vues. Oui. Les photos sont là. Oui, il y avait les Katadaki, je vous ai dit qu'il y avait les Zena, que vous voyez là. Zena, il y avait là-dedans. Oui. Là-dedans. Et la photo qu'on, la femme qu'on voit dans le là dedans, je vous dis qu'il y avait même Jésus. Je vous ai dit ça. La photo de Jésus. Oui, la photo de Jésus. Oui, la photo de Marie, la photo de Marie Magdala. Oui. Donc c'était difficile de me convaincre que Marie n'est pas vers nous, Jésus n'est pas vers moi. Donc tu as dit que tu racontes ça pour toi. Mm-hmm. Oui, parce que moi je vois ceci. Oui. Voilà. Donc on était là plein. Les papas étaient lancés. Je vous ai dit, il était lancé à côté juste en face de moi. Oui. Papa était derrière. Alors il savait que lorsque. J'ai demandé qu'on se relâche, qu'on chante, on ferme les yeux, on chante le You. Tout le monde obéit. Je chante d'abord le premier You. Oui. Après, on chante le deuxième. Oui. Et on entame, oui, pendant 30 minutes. Donc, vous pouvez imaginer le vortex, l'énergie qu'on dégage. Ce qu'on appelle les événements. Oui, qu'on peut dégager. Et les événements qui peuvent se passer, les messages qui peuvent couler. Oui. À l'espace de 30 minutes. Oui. Essayez un peu d'imaginer. On a chanté, tu vois, sur le coup, justement le You là, chanté l'élévation spectrale, une concentration, on a chanté, tout le monde se concentre sur le troisième œil. Oui. On a chanté, celui qui a un chakra développé ailleurs, il peut se concentrer là-bas, oui. Il chante, etc. En tout temps, le monsieur voulait quitter, oui, voulait quitter là où il est, mm-hmm. pour venir vers moi. En tout temps, il y avait un à côté du maître, aussi à côté de lui. Lorsqu'il a voulu quitter son corps pour venir vers moi, oui. la chaise, la partie s'est cassée. Oui. Il s'est retrouvé au sol. C'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose de normal. Il s'est cassé. Tout le monde est à la concentration. Et on a continué à chanter et après, on a commencé à aller doucement. Quand je vais doucement, tout le monde a commencé à aller doucement, jusqu'à ce qu'on a terminé. Et je l'ai béni, que vous êtes béni. Les sept billes. Donc tu as béni les vieux. Les vieux. Oui, ouais, je les ai bénis. Ouais. Moi, j'étais moi enfant. You are moi, blessed. Je les ai bénis. Quand je les ai bénis, on trouvait le monsieur au sol. Immédiatement, vous savez, chacun, ceux qui savaient. Et quand, quand ça s'est cassé, il y a un son de donner. Oui, quelque chose s'est passé, un bruit s'est passé, oui, mais je ne pouvais pas arrêter brusquement. Oui. Il y allait doucement. Les hauts initiés savaient ce qui s'est passé. Oui. Moi, je ne savais pas. Oui. Moi j'ai continué moi, ma chose, j'ai chanté le You, j'ai eu l'ordre de chanter le You. Là, lui il a expliqué que, je justifiais que, non, c'est parce qu'il voulait embrasser le maître dans la photo. Mm-hmm. Oh, ce n'était pas ça. est-ce que normalement dans votre attitude, on embrasse le maître comme ça. Mm-hmm. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Donc, c'est là où il a eu ce qu'il a eu. Et depuis ce jour-là, il a confirmé. Après, c'est maintenant le maître est venu à Yaoundé. Oui. Le maître qui? Sri Michael Owens. C'est conseiller de Barack Obama. Oui, son nom spirituel c'est Danrin. Danrin. D-A-N. Donc si on appelle le Danrin, c'est l'esprit qui est derrière. Oui, c'est l'esprit qui est derrière. Son nom mais physiquement, quand tu le vois comme ça, oui. Michael Owens. Ou, c'est lui le conseiller. Michael Owens. Dangereux. Oh, il est beau, il est mignon, il est clair. Il est toujours. Oui. Mais à l'étage. À l'intérieur, c'est un lourd ravisseur. Oui, c'est un lourd ravisseur. Un dangereux. Oui, alors, il est venu à Yaoundé. C'est de Yaoundé qu'on me confirme comme parce que j'avais amené beaucoup de jeunes. Oui. Comment je les amène? Un jour je rentre, j'avais mis beaucoup de jeunes de Bounidale dans le World of Truth. Oui. Un jour je rentre du sport, mon ami Bongane n'est pas là. Oui. Mais il connaît que je suis dans le World of Truth. Oui. Mais il n'est pas là. Maintenant, ils sont attaqués par les terrains Et ils ont vendu le terrain. Ils savaient qu'il y a des boules là-bas qui commencent à les lancer les moussons. Oui. Oui, on appelle ça en Douala, la bouche. Le poison spirituel. Oui, mais la bouche. Oui. En dedans, et le gars est parti chez les marabouts, ça ne donne pas. Parti là-bas, ça ne donne pas et tout et tout. Alors je rentre du sport un dimanche, je viens de courir. Oui. Je viens, comment il parle, il trouve qu'il dit que mon frère, ça ne va pas. Voilà, parce qu'une semaine, je ne chie pas. On est allé chez les marabouts, tel, on a ça ne donne pas. Il a bouffé l'argent de mon grand frère. On est allé chez tel, ça ne donne pas. Il dit que, ok, si tu veux que je t'aide, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Ouais. Voilà comment est-ce que. Il dit que, gars, amène-moi. Si tu peux me sauver, c'est bon. C'est comme ça que je l'amène chez mon papa. Oui. Pas me laver, on prend la route de derrière, on prend une moto, on sort. Quand on arrive chez mon papa prend seulement, lui demande simplement que va à l'internet. Oui. Oui. Non, écrit ton nom ici, il écrit son nom. Oui. Oui, mon papa est allé à l'internet, il a envoyé le message. Oui. Il a envoyé le message, il lui a dit que, ok, vas-y, tu es protégé. Oui. Il n'a pas cru, il a quelqu'un, il a dit que oui. Il t'a dit que va, tu es protégé. Vous comprenez, parce que mon papa était l'un des premiers à attraper le Wolf Fruit au Cameroun. Oui. Parce que lorsqu'on a porté le livre, il était embrassé directement. Donc, et comme il avait les dents, il chantait pour le Wolf Fruit et tout maintenant. Oui. Il a laissé beaucoup de chants dans le Kanka. Il a dit qu'il écrivait les partitions. Maintenant, chez le témoin de Jéhovah, il en a laissé. Il en a laissé chez le témoin de Jéhovah. Il était pionnier spécial. Oui. Il a fait le témoin de Jéhovah. Il a fait d'abord EEC. Il avait le témoin de Jéhovah. Parce que mon grand-père était dans EEC. Oui. Il était dans cette église là-bas. Le grand-père était sorcier. Mon grand-père, Nouvelle-Bélé, dont je porte le nom. Oui. Oui, il était EEC. EEC. Étant sorcier. Il était des roues au musée de Bounaberry. Oui. EEC. Il était même chef de terrain de Bounaberry. Oui. Donc c'est comme ça. Et là, votre ami Ebongé. Oui, mon ami Ebongé. Il est guéri. Et, non, là c'est Epagna. Epagna. Il était l'ami de Bounaberry aussi. Oui. Ce sont les natifs du village. Ok. Voilà. En tout temps alors, mais bon, c'est mon ami parce qu'on était à l'internat ensemble. Oui. Quand il apprend que son ami est guéri, oui. C'est comme ça que son ami même lui fait entrer. C'est son ami maintenant qui l'amène. À cause de la maladie de lui. Les deux entrent une fois. Oui. C'est comme ça que je commence à porter les autres aussi. Oui. C'est comme ça qu'on le met dans le Wolf Fruit. J'ai mis plus de 10 jeunes. Oui. Ce qui fait que tu as une renommée donc. Voilà. Maintenant, il fallait me confirmer comme chargé spirituel. Oui. Oui. Quand le maître vient à Yaoundé, oui. Je vais à Yaoundé avec Epagna et Ebongé. Ils étaient enthousiastes de voir le maître. Oui, on était à Yaoundé. Oui. Lorsque nous sommes arrivés à Yaoundé, on a dormi à Yaoundé. Voilà comment est-ce que ce jour-là, lorsque les maîtres passaient, les gens passaient pour embrasser le maître à l'estrade. Oui. C'est comme ça que je suis passé, comme tous les autres. Oui. Et je l'ai embrassé et il m'a béni. Oui. En tapant en tapotant, oui. Il m'a béni que tu es béni. Oui. Oui. Et il a dit certaines choses, je crois. Tu es béni, tu seras un grand. Un grand. Oui. Et maintenant, on a traduit en français. Bon, je suis passé. Mon père même pleurait le jour-là. Il a dit qu'il était content, la joie. Oui. Et mais il pleurait. Oui. Parce qu'il était fier. Il a vu. Le niveau où son fils est arrivé. Oui. C'est comme ça que quand le maître est parti, la confirmation est venue. Parce que les hauts sont CG. Oui. Avec oui. On dit que les hauts sont CG, ça se fait que dans les cieux. Non. Les coordonnateurs. Oui, les coordonnateurs ont décidé. Oui. Même avec le maître, on est parti. Oui. Les hauts du Cameroun ont CG. Oui. Oui, avec même les sud du Nigeria, tous sont avec CG. Oui. Mais maintenant, dans le cas du Cameroun, on avait proposé certains postes. Oui. Oui, donc, à Bourindal, le centre. Oui. C'est moi. Le coordonnateur. Chargé spirituel. Quel est le rôle du chargé spirituel, c'est quoi? Le rôle du chargé spirituel, c'est celui qui. Lorsque tous les livres qui viennent par Internet ou. Depuis l'Amérique, oui, passe au centre, c'est moi qu'on remet, c'est moi qui le donne. Maintenant, lorsque l'initiation, les mots secrets arrivent, il y a certains mots, oui, je leur donne ça et on chante cela. Oui. Je reçois les instructions venant du haut, on partage et c'est comme ça que lorsqu'il y a par exemple. Et un frère malade, si j'appelle un haut initié, bon, il me dit, s'il me donne l'instruction que bon, dis-lui de venir, ou bon, qui m'attend à tel endroit, il vient, je viens, voilà comment est-ce qu'on se rencontre. Donc, dans le way of des guérisons miraculeuses se passent. Oui, lorsque on prie pour toi, quand tu es malade, tu y vas, parfois tu es guéri. Oui. Oui. Donc, tu vois les maîtres, il y a des gens qui avaient des témoignages que les maîtres venaient l'opérer ou l'enlever le mal. Oui, et il est soulagé. Il est soulagé. Donc, ça fait déjà que les gens croient davantage à cela. Davantage à cela. Mm-hmm. Bien. Alors, ça fait que je travaille à beaucoup, vous savez, M. Pinda, pour ne pas vivre encore. Oui. Donc, quand vous sortez de rayon dedans, à l'issue de cette confirmation-là, oui. C'est là que tu as vu le maître là, pour la première fois face à face. Non, je vois, voilà, c'est là. Après, oui. Après Yaoundé. Oui. Oui. C'est-à-dire que. Il a une autre face. Je veux dire que physiquement, oui. Il est beau. Oui. Il a le costume, la cravate. C'est comme ça qu'on sait les mamans. Oui. Mais il a un autre nom spirituel qu'on appelle Dari. Dari. Maintenant, un soir, je suis à la maison. Oui. Je dors. Oui. C'est là où on l'appelle. Oui. Je viens de faire un exercice. J'ai fini de prier et j'ai dormi. Oui. Je veux dire que ma porte est fermée dans ma chambre. Mais le visage là est entré. Oui. Vous comprenez un peu. Le visage de celui qui est le maître. Darin, qui est maître, oui. Est entré à Sionné. Oui. Vous comprenez, non? Ça, c'est oui. après l'événement de Yaoundé. Oui, et Sionné. C'est quand je suis entré, papa avait. On était maintenant après ça, après l'expérience là que j'ai eue. Oui. Il n'a dit à personne. Il n'a dit à personne. C'est quand maintenant papa a montré que. Il disait souvent que vous ne connaissez pas le vrai visage du maître. Oui. Oui. C'est quand il me montre ça dans la photo. Parmi plusieurs maîtres. Il avait les photos. Il avait plusieurs photos, oui, parmi lesquelles le maître était là. Oui. Quand je vois le vrai visage, parce que là, en ce moment, il est un peu noir, sur les yeux, un peu ressorti. Oui. Il partout est bleu là. Oui. Vous comprenez? Un peu comme on voit dans les films où les esprits se promènent. Oui, voilà. Donc, c'est le vrai visage là-bas. Vrai visage. Vous comprenez un peu? Oui. Vous voyez un peu? Ce sont les yeux qui vous décumaient. Voilà quelqu'un. Oui. S'il n'y a pas les yeux. Et l'expérience de ta chambre, tu as fait le U, après tu as dormi, la fenêtre est fermée. Est fermée. Explique-nous le film, comment il est entré, qu'est-ce qu'il voulait, ainsi de suite. Non, lorsqu'il est entré, vous comprenez, il a sillonné dans ma chambre. Il m'a dit, monsieur, j'ai ressenti une présence dans ma chambre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Quand j'ai ouvert mes yeux, je l'ai vu. Il m'a aussi vu. Il m'a regardé, il a sillonné et tout. Il m'a dit, n'aie pas moi peur. Oui. Il est resté avec moi. Il a sillonné. Toute la chambre est devenue un peu bleue. Bleu. Oui. Après, il a dit, tu es béni. Tu es béni. Il m'a béni trois fois. Et là, il parle quel français là? Il ne me parle pas français, non. Mais pourtant, quand il est physiquement ici, il parlait, on traduisait. Oui. Il ne me parle pas français. Oui. Voilà, c'est comme ça. Et là, tu t'es content? Moi, j'étais content. Moi, je savais que bon, je n'avais pas peur. Oui. Voilà. Mais quand je vois le visage au niveau de la photo, c'est là que j'ai dit à papa que le visage, j'ai déjà vu ça. Il dit que tu as fait comment? J'ai dit que j'ai déjà vu ça. Et quel exercice avais-tu fait? Tu as fait un exercice avec le pentagramme qui se trouve à. Non, à ce moment, je n'ai pas encore fait. Je suis chez maman, je n'ai pas fait le pentagramme. Oui. Et c'est moi chanté le ce jour-là, ce soir-là. Oui. Et j'ai dormi. Oui. Je vous ai dit que dans ces histoires-là, dans ces ordres, le maître peut vous choisir. Oui. Ça dépend, je ne sais pas, c'est quelle attirance, quelle étoile que vous avez, le cœur ou trop ouvert, ça dépend. Oui. Il ne peut pas choisir l'autre, mais il peut te choisir. Oui. Donc vous savez, savent ce qu'ils cherchent. C'est eux qui savent ce qu'ils cherchent. Oui. On peut copter celui-ci, l'autre ne le copte pas. Il peut faire l'âme 10 ans, 20 ans, il ne grandit pas. Oui. Oui, mais celui-ci grandit vite, ça dépend de chacun. Et là, ton père était surpris d'entendre que tu connais ce visage. Oui, que je l'ai déjà vu ça. Et je lui ai donné maintenant l'expérience que moi j'ai eue dans ma chambre. Il n'était pas étonné. Il était étonné, mais il m'a demandé, il m'a posé la question que tu as fait comment. Oui. Je lui ai dit, moi non, je suis enchanté. J'ai vu. Oui. Ça, j'ai déjà vu ça. Oui. Quand je dis que j'ai déjà vu, oui. Quand je n'ai pas vu, je n'ai pas mangé. Oui. Voilà comment est-ce que je commence à apprendre comment tracer à Boulindale. Oui. Oui. C'est-à-dire que je travaille avec les ici. On trace le trahier, on nous montre le trahier dans une photo. Oui. Alors je fais aussi une expérience. C'est-à-dire que je sors à 2h du matin, oui. Je prie dehors. Je veux dire que chaque fois quand je sortais dehors pour prier, je faisais le tour de la maison. Oui. Et quand je trouvais ma petite soeur, j'ai quitté ce repas. Entre temps, ils sont dans l'église réveillée. Oui, l'église réveillée dans la maison. Dans la maison. Oui. Donc les deux dans la maison. Oui. J'ai ma chambre. Ils ont maman la chambre. Oui. Ma grand-mère et Jackie, oui. Petite à la chambre. Oui. Mais dedans, chaque fois quand je me réveille à cette heure-là, minuit, 1h, 2h, 3h, elle est aussi debout. Elle est aussi debout là-bas. Oui. Le conseil, c'est que quand je tourne, je vois s'allumer. Allumer. Oui. Que, mais, quand je me réveille, la lumière n'était pas allumée dans sa chambre. Mais pourquoi quand je tourne, je vois ça pas la fenêtre, c'est allumé. En ce moment, moi, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Oui. Oui. Donc, ils avaient qu'elle priait là-bas et elle brisait tout ce que moi, je faisais toujours. Et le là, la journée, j'avais parfois tout le poubelle. Oui. Avec les mêmes, ma maman. Oui. Constamment et tout. Donc pendant que tu te levais pour faire les incantations, le Seigneur l'a réveillé aussi pour briser. Pour briser. Mm-hmm. Voilà comment ça se passait. Oui. temps, j'ai fait ça plusieurs fois. Mmh. J'ai constaté ça plusieurs fois. Et dans le web, tu as donc constaté que ton niveau spirituel dans ce domaine-là a augmenté drastiquement. Oui, j'ai commencé à augmenter. J'ai même fait le tétraillère, tout. Et mise en pratique. Oui, j'ai commencé à pratiquer. Oui. C'est moi qui ai mon grand frère Joël. Oui. Et quel est le résultat que tu as eu avec cette tétraillère-là? Oui. Pour que les gens comprennent le danger qu'il y en a. Parce que maintenant, les gens te prennent en mettant les bougies quoi, au sommet, en mettant du sel, en traçant des cercles pour invoquer les démons. Je me rappelle très bien que quand je priais, quand je voulais quelque chose, oui. Quand je demandais, vous comprenez, parce que il y avait un exercice que quand je le faisais, je me lève le matin, je sais que non, quand je demande au le mari ou à maman, quelque chose il me donne. Oui. Et alors tu l'as manipulé spirituellement. Oui. Mais en donnant, il ne sait pas pourquoi il a donné. Vous comprenez ce que je dis. Oui, oui, parce qu'il y avait des exercices comme ça. Mm. Quand tu demandes, si tu veux demander, tu fais tellement c'est écrit, ça. C'est écrit dans les documents comme ça. Oui, tu fais le mantra, c'est-à-dire que le pouvoir de persuasion, d'avoir ce que tu veux. Oui. Oui, quand tu demandes, tu lis le mantra, tu chantes, tu appelles le maître, tout. Tu fais ça, j'ai fini. Là, je ne quand il demande, tu me donnes. Oui. Vous comprenez? Oui. Et mon grand frère ne comprenait pas oui. comment je faisais. Or, lui, il était dans l'église de réveil. Oui. Donc tu manipulais. Il lisait ses Bibles là-bas. Quand il venait avec moi, on cause. Il voyait toujours que moi, j'avais moi, mais pas de raisonnement. Oui. Et tout. Moi, je faisais la partie du réveil parce que tu. La théorie. Peut-être que l'église de réveil, Jésus, là, quand vous dansez là. tu voyais de niveau spirituel. Oui, au niveau spirituel. Mm-hmm. Bon, maintenant, quand il a coûté un peu mes amis et tout, mm-hmm. quand il est entré, il a voulu entrer, c'est moi-même. Mm-hmm. Un soir, on est sorti dehors. J'ai pris une assiette, j'ai mis l'eau dedans, j'ai pris les feuilles qu'on fait pour voir nous les chefs. Oui. Oui. Un petit ça pour les chefs. Mais il y avait ces rituels dans le livre. Dans le livre, oui. Le rituel, pourquoi tu le puisses l'initier ainsi? Bien, je vous ai dit que mon papa est chef. Mm-hmm. Donc c'est mélangé. Oui, mon papa est chef. Il y a deux maisons communes, chambre à part. Oui. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses oui. qu'on peut mélanger ici. 1 + 2 + 3 va donner 5. Oui. 3 + 1 + 2 va donner 5. Mmh. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, c'est mélangé. Donc, je pouvais prendre ceci et maintenant invoquer le maître. Voilà. Là, ça c'est votre frère qui est dans la musique. Éveillé. Joël, oui. Mon grand frère. Vous causez souvent. Oui, on partage. Maintenant, il veut entrer dans le World Truth. En étant dans les églises, il veut. Oui, maintenant, quitte les églises de réveil. Qu'est-ce qu'il a poussé à vouloir le faire? Je sais une chose, c'est que je ne suis pas riche, je n'avais pas tout l'argent, mais j'avais quelque chose à moi. Oui. Oui. Quand je parlais, j'ai écouté. Oui. Et moi, je ne parlais pas beaucoup. Mm-hmm. Quand je dis que je vais faire telle chose, je fais. Et tu vois. Oui. Vous comprenez? C'est moi, que je l'attirais. Que... Oui, il voyait ça. Mm-hmm. Et on lui parlait de moi, les autres qui étaient derrière lui parlaient de moi, parce qu'ils causaient avec mes amis, bon, et Pagna. Oui. Mais c'était notre grand frère. Oui. C'était notre grand frère. Le groupe, là, c'était notre grand frère. Oui. Donc. Oui. Il y a l'exercice de ces pentagrammes, de ces tétraillères. Tétraillères. Voilà comment est-ce que quand il a voulu, je l'ai mis là-dedans et tout. Bon, maintenant, je vais utiliser cette feuille qui était rouge et vert. Oui. Et je suis allé dire à papa que bon, quand j'ai lavé Joël, l'initiation pour le faire intriguer maintenant. Et là, ton père ne demande pas pour mettre un petit peu initié. Là, mon père me dit que non. Et j'étais chargé spirituel. Oui, okay. Donc tu avais le plein droit. Oui. C'est là où je lui dis que non. J'ai chargé spirituel. Et. Tu as donc utilisé les feuilles rouge vert. Rouge vert. Oui. Mais maintenant, il fallait. J'ai dit à papa dit que non. La feuille, c'est que tu as utilisé, comme il y a le rouge là. Oui. Oui, ça va attirer les dragons. Ça va attirer les dragons. Oui. Maintenant. Je lui dis que qu'est-ce qu'il faut alors faire? Pour annuler. Oui, on a fait un exercice pour annuler cela. Mm-hmm. Oui. Avec cette fois-ci, avec ton père. Oui, avec mon papa. Mm-hmm. On a fait maintenant pour annuler cela. Le dragon. Mm-hmm. Vous comprenez que c'est ça. Le dragon devait venir dans sa vie, il devait être un dévorateur qui devait connaître la destruction. Voilà, mais il ne fallait pas. Mm-hmm. Donc, on a fait un exercice pour annuler cela. Il m'a dit de ne plus le refaire comme ça. Mm-hmm. Mais si je veux faire prochainement, que j'utilise d'autres feuilles. Oui. Entre temps, et je l'avais même, quand j'ai fini et tout ça, j'ai mis sur lui, j'ai parlé de ces mots-là. Et tout, on a fait les incantations, j'ai dit les mantras. Oui. Et tout, je crois que j'ai même pris l'eau là, j'avais versé sur lui. Oui. Est-ce que, puisque dans l'initiation, là, vous avez dit tout à l'heure, là, que pour que on voit que les choses sont confirmées, qu'on a accepté, il y a une présence, quelque chose qui doit se passer, ou bien la rose. Là, chose. Non, là. Ça, c'est l'initiation, oui. Là, c'était pour, comme il était entré, oui. Ouais, je voulais vous faire comprendre, parce qu'il avait. ils avaient un défi. Oui. Le défi c'était quoi? C'était pour aller, ils devaient rencontrer un monsieur par rapport au travail. Oui. Donc il fallait peut-être pour manipuler. Oui, en ce moment, moi j'étais enseignant vacataire. Oui. Oui. J'étais enseignant vacataire. Oui. Il fallait manipuler ce monsieur. Oui. Il fallait être caché devant lui. Oui. Il accepte tout ce que tu dis. Oui. Donc. C'est pour ça qu'il est venu faire ses rituels. Oui, on a fait tout ça. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes de Way of Truth sont bien positionnées, bien haut placées. Oui, bon, maintenant, ils sont allés, ils ont causé avec le monsieur, tout s'est bien passé. Oui. Bon, le monsieur avait le mariage, c'est lui qu'ils ont confié certaines choses. Oui. C'est à eux que son conservateur, il y avait lui, il y avait notre gars et tout, on lui a confié. Donc le rituel a marché. Oui, le rituel a marché, on lui a confié certaines choses. Mais sauf qu'il n'avait pas un grand travail, mais il avait quand même quelque chose. Oui, déjà. Et une relation avec le monsieur. Bon. J'ai dit au père, j'ai donné le compte rendu au papa. Mmh. Oui, s'il y a quelque chose qu'il a fauté, que lui-même me dise. Mmh. Voilà. Je faisais mes choses comme ça. Mais, quand il fallait quand même quitter d'une étape à une autre, c'est que sur l'email venait d'en haut. Oui. Pour montrer que telle personne a été promue. Oui, promue, c'était comme ça. Mmh. Voilà. Et maintenant, on peut avoir un haut initié qui doit chanter le yo. Or, comme moi j'étais chargé spirituel de la congrégation de Bonindale, la cellule de Bonindale, ça faisait que le centre de Bonindale, avant c'était sous-centre, c'est devenu un centre de Bonindale, ça fait parce que c'était d'abord centre d'information, maintenant c'est devenu centre de Bonindale, j'avais chargé le billet max, c'était moi, oui. Voilà, donc j'avais le président qu'on avait nous choisi, et bon, oui, un jeune, et bon, qui était sous toi. Oui, qui était sur moi. C'est-à-dire qu'il était président. Oui. Mais moi, j'étais chargé spirituel. Oui. Donc, au niveau des initiations, j'étais élevé plus que lui. Oui. Donc, il avait un poste. Non, c'est lui qui commande. Oui. Quand on est assis là, c'est le président. Il peut parler et tout, tout, tout. Mm-hmm. Mais quand on entre dans l'autre dimension. Oui, c'était. Non, c'était. Oui. C'était comme ça. Oui. Donc, vous pouvez être chef. Oui. Mais il y a des gens. Les vrais chefs. Comment on dit ça? C'était comme ça. Donc, l'exercice de tétrail. Oui, l'exercice de tétrail. Maintenant. Vous avez fait, tu as fait un moment donné, une expérience avec ça. Oui. J'ai pris la photo. Oui. Tetrahead. Et c'était question que je me concentre au niveau du tetrahead. Ça, c'est où? À la maison. À la maison. Oui. Je me lève 2 à 3 heures. Au minuit, je fais tout jusqu'au matin. Oui. Je me concentre, je chante les mantras, j'appelle les maîtres. On avait 974 maîtres. 974 maîtres. Ça, c'est dans le. Oui, en fait. Or, dans le. Quand on avait 973. 973. Vous comprenez donc. Une personne s'est ajoutée. Il s'est ajouté. Mais c'est qui cette personne? C'est lui-même le maître que je ne connaissais pas. Oui. Non, le maître que je ne connaissais pas. Oui. D'Henri, le nouveau qu'on a choisi. Oui. Bon. Il faut l'appeler et le reste. Oui. Donc dans le Way of Truth, on ne le connaissait pas. Dans Ikankan, on ne parlait pas de lui. On ne parlait pas de lui. Il est sorti comme ça. Oui. Parce que dans Ikankan, on ne nous a pas montré les maîtres, les photos des maîtres. Oui. On s'est existé. Oui. Mais c'est là où Way of Truth qu'on sort ça maintenant. Ça me pose un problème. Il est conseillé de Barack Obama. Et Barack Obama, dans une des interviews, a dit en son ironique en riant qu'il soit d'une planète pour venir sauver le monde. Est-ce que c'est ironique vraiment? Est-ce que avec tous les témoins que nous sommes dessus, est-ce que c'est, non, ça peut être ironique? Pourquoi? Parce que les gens désignent, c'est quoi? Parce que les Illuminati sont planifiés ça depuis. Oui. Et le Waf n'est qu'une partie. Et Kankan n'est qu'une partie. Ce sont des atomes comme ça, tout là, ça, des membres et des Illuminati. Voilà. Donc le plan du nouvel ordre mondial, c'est ça le but. Et il fallait passer par là. Donc c'est comme ça que nous, on avait besoin de demander de prier pour lui. Et chanter le mantra. Donc, avant de venir, président, avant de venir sur l'expérience que tu as fait, donc tu dis qu'on nous a donné ici l'exercice de prier pour que Barack Obama soit président. Président. Oui. Voilà, vous chantez le mantra. Et vous réussissez, vous chantez le mantra. Je chante le mantra. Quand vous chantez le mantra, vous dites quoi? Vous dites pas le mantra. Non, il y avait, c'est pas les mots. Il y avait un mantra, il fallait des mots qu'il fallait prononcer constamment lorsque tu chantes le you. Oui. Vous comprenez un peu. Donc ça veut dire que ça fait que le pouvoir que Barack Obama soit président et tout ça devait converger. Converger. Pousser les énergies. Et donc, c'est ça, je vais donc comprendre ceci. Oui. Ça, c'est la manipulation de la masse par le domaine spirituel. Nous sommes là, oui. Puisque oui. Les élections doivent se passer, ce sont les êtres humains qui vont aller voter. Oui. Alors, dans le côté spirituel, vous pouvez dire que la volonté des gens soit orientée vers Obama. Et nous voyons effectivement que la tollée que a eu son élection, on a vu effectivement que tout le monde a dit, y compris même les présidents d'autres pays, ont félicité, ont pleuré. Sachant pas qu'on est manipulé par. Il y a un esprit derrière. Voilà, qui a fait le travail. Racontez-nous donc. À l'issue, on donne les injonctions ou bien les indications du prix. Oui, les mots. Les mots. Les phrases, on nous avait donné l'ordre, c'était un ordre pour prier pour Barack Obama. C'était passé dans l'email. Oui. Tout ce qui était dans le World of Truth, qui avait l'email, on a vu ça. Mais quel était l'intérêt qu'on lui a dit comme c'était pour que Barack Obama soit président. Oui. Oui. Mais en ce moment, on ne savait pas que si Macron devait être conseiller, oui. On ne savait pas encore. Oui. Que le maître lui devait être le conseiller. Bon, on ne savait pas encore. Oui. C'est quand il était président et que la mission était achevée. Oui. Que après dans la télé qu'on entend si Macron est comme conseiller. Oui, ça vous comprenez maintenant que donc c'était ça. Oui. L'objectif. Il avait beaucoup travaillé. Oui. Et le œuf partout dans le monde, il avait beaucoup travaillé. Oui. Pour montrer que effectivement, se mettait encore le œuf tout. Dans le œuf tout. C'est la récompense maintenant, c'est que maintenant à l'ambassade américaine, ici au Cameroun, on avait un représentant de l'œuf tout. Oui. Quand tu vas aller en Amérique, tu passais. Par lui. Bon, en fait, donc vous, vous avez le mot de passe. Le mot de passe. Oui, c'était comme ça. Mm-hmm. Tu fais bien les papiers comme tous les autres, mais il y avait un mot de passe. Mot de passe. Oui, pour que les choses aillent vite. Oui. Dans ce sens-là. Ok. Bon, donc, c'est parfois sur les hauts, les grands. Moi, je connaissais ça parce que j'étais très spirituel. Donc, j'avais des informations. Oui. Parfois, que le bas peut. Ne peut pas avoir. Et ce n'est pas permis de transmettre à tout le monde. À tout le monde. Donc, Barack Obama est président maintenant. Comment ça s'appelle? Harold. Harold est là-bas comme. Il est président de. Non, celui Michael Owens, est conseiller et jusqu'à à la présidence. À la présidence. Oui, de Barack Obama. Barack Obama. Ouais. Donc nous comprenons effectivement que ça veut dire que toutes les choses de l'homosexualité, des problèmes de santé, de tout là-bas, il est derrière. Il est derrière, ils savent. Donc ça veut dire qu'ils ont un plan particulier. Ils savent tout ce qu'ils font. Mais donc, comme je ne va pas, ils savent. Oui. Et là où ça va être, ça a été une fierté dans votre groupe de fait que Obama a été élu. Oui. Maintenant, revenons sur le cadre des. C'est pour que les gens qui nous écoutent comprennent effectivement, les gens qui ont le pouvoir et ceux qui nous dirigent ici, afin qu'on comprenne effectivement que le monde actuel, effectivement, comme la Bible le dit, elle est au pouvoir du méchant. Ce n'est pas physique comme vous voyez. Oui. Il y a des entités derrière. Oui. Qui poussent. Oui. Oui, c'est comme ça. Il y a des entités derrière. Donc nous, on a prié. Mais ça veut donc dire que ça commence à poser encore des problèmes. Ça se passe que dans les batailles spirituelles, puisque à l'issue de l'investiture à la présence à la Maison Blanche, il y a deux candidats, un républicain et un démocrate. Et les deux sont dans des ordres. Ça veut dire que c'est on bouscule en haut pour savoir quel ordre va régner sur la terre. Va régner sur la terre, c'est comme ça. Parce qu'il y a le George Bush, qui était dans la school en bon John Martin, Martin, qui est aussi dans un autre ordre. Et les ordres se bousculent. Ils se bousculent. Ils se bousculent. Et que dis-tu donc des chrétiens qui vont s'initier à l'intérieur pour entrer dans la politique pour pouvoir. Ils ne connaissent pas ces choses-ci comme ça. En disant qu'ils veulent militer dans un parti politique pour. N'est-ce pas les égrégores de tous ces champs mantiques-là, ils entraînent. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on est chrétien, déjà. Oui. Oui, il faut véritablement être sûr si on est d'abord chrétien. Oui. Premièrement. Il faut être sûr si on est d'abord chrétien et il faudrait que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui doit vous guider. Oui. Oui. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ne partez pas faire la politique. Ne le faites même pas parce que je suis sûr que l'Esprit de Dieu ne vous entraînera pas. Oui. Mais maintenant, s'il a un rôle à jouer, là et maintenant, il va le jouer et il quitte la dimension. C'est-à-dire que s'il n'a qu'un message à passer, il veut passer un message et il le quitte. Oui. Même si c'est que vous êtes chrétien, Joseph a été dirigé par l'Esprit de Dieu. Oui, puisque les gens prennent effectivement le cas d'Angela Merkel, George Bush et autres, Bill Clinton, qui ont dit qu'ils sont des chrétiens, parce qu'on voit effectivement qu'ils entrent dans les églises, comme ils disent là, l'église méthodiste en Amérique, autre, là-bas, c'est une façade. Oui. Il y a autre chose. Quand c'est une façade. Oui. Oui. C'est une façade. Ça, c'est une façade. Donc, on fait un peu tromper les gens, pour les gens du côté chrétien qui ne sont pas dans le cadre spirituel, qui allaient de l'autre côté. Côté. Voilà. C'est comme ça. Donc, revenons sur l'exercice du tétrahè. Oui, je disais que dans le tétrahè, j'ai pratiqué l'exercice, j'ai commencé à chanter le you. Oui. Je me suis concentré au troisième œil. Oui. Oui, j'ai fermé mes yeux, j'ai chanté le you, j'ai récité quelques mantras. Oui. Oui. C'était pour entrer dans le tétrahè. Oui. Lorsque je me suis déporté, c'est-à-dire que j'ai quitté. Sorti du corps pour entrer là-dedans. Oui. Oui, j'ai trouvé un gardien, quoi. Oui. Quelque part, j'ai trouvé un gardien dans cette dimension. Oui. Oui, qui m'a demandé que monsieur, il faut que repousser un peu parce que il n'a pas la clé. Oui. Donc, vous avez quitté la terre en quittant votre corps, ce qu'on appelle la projection astrale. Oui. Vous avez quitté le corps. J'ai pénétré. Oui. Oui. Parce que la photo, vous voyez la photo. Oui. Mais ce sont des portes. Donc, ça veut dire que vous dites. La photo est simple. Oui. Mais ce sont des portes. Si tu te concentres, là, c'est là c'est que ça s'ouvre. On nous montre sur Euronews et sur d'autres choses. On voit des musées où on expose des œuvres d'art autres là-bas. Oui. Et les grandes personnes, l'été, achètent des tableaux de centaines de millions d'euros. Oui. Est-ce que ces choses sont simples alors? Non, les choses ne sont pas simples. Donc les initiés savent ce que ça veut dire. Ils savent. Oui. Il y a des signes dedans, ils savent. Oui. Ils savent astrologie que. On voit par exemple un tableau de Léonard de la Vinci à côté 150 millions d'euros, ainsi de suite. Mais ils savent. Pas de questions. Ils savent. Donc vous avez un tableau devant vous simple avec quoi, une tétraède qui est dessinée. Vous fixez votre attention, votre troisième œil là-dessus, sur une porte sourde. Une porte sourde. Quand vous lancez un mot, la porte sourde. Mais maintenant, lorsque vous entrez, vous allez arriver à une certaine dimension où vous allez trouver un quartier. Donc quand votre esprit sort de votre corps, ça pénètre, ça passe au travers de cela. Oui, c'est-à-dire que ça s'ouvre comme si, c'est-à-dire que tu vis la chose, quoi. Comme tu entres en esprit maintenant. Oui. Tu n'es plus en chair. Oui. En esprit. Oui. Lorsque tu entres immédiatement, il y a un gardien. Oui. Oui. Il a la forme terrible. Il n'était pas trop gentil, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas. Il n'a pas l'air. Oui, déjà l'air de plaquer. Oui. A-t-il quelque chose comme l'épée parce que dans le lieu. Il a quelque chose en main, toujours. Oui, mais il te demande de rentrer. Oui. Sinon, il te demande d'abord qui tu es. Oui. Tu donnes à travers le mot d'initiation que tu as. Oui. Oui. Donc, là, vous n'avez pas votre nom humain ici. Oui, tu donnes ton mot d'initiation. Oui. Parce que quand tu entres, il peut y connaître qui tu es. Oui. Il veut le mot d'initiation. Oui. Mais maintenant, pour entrer là, il y a un mot que tu dois donner. Oui. C'est comme et là, tu t'en passes là. Oui, j'en ai pas. Sur rentrer, il m'a demandé de rentrer. Oui. Sur rentrer. Mais parce que. En partant là-bas. Sachez que quand vous passez de, par exemple, de astral à causal, oui. Vous comprenez. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a. C'est comme une ville à une autre. Oui. Oui. Et ici, il y a toujours un gardien. Comme il y a un visa de mode dedans. Oui, il y a toujours un gardien. Oui. Et faites attention. Oui. Si c'est le maître qui vous amène oui. de astral à causal, oui. il n'y a pas de problème. Parce qu'on le connaît. C'est là, le mot de passe. Il a son mot de passe qui passe partout. Il vous amène comme ça. Il amène, oui, quand vous disciple. Oui. Si c'est un autre maître aussi qui vous amène, il a son mot de passe. Oui. Vous comprenez oui. Mais si tu te projettes seul, oui. sois sûr que ce que tu as chanté, oui. ça va te protéger oui. parce que à toujours, il y a des dangers. Oui. Il y a des dangers terribles. Oui. Il y a des dangers terribles. C'est-à-dire que c'est pour vous voyez le matin, il est paralysé, soit. Oui. Il faut faire attention. Oui. Oui. Il a mal partout. Et là, tu n'as pas supprimé ce gardien-là. Tu sais qu'il avait la forme. C'est un ancien. Ce n'était pas cadeau. Il ne me demande pas, il me dit. Et je suis obligé de. Donc là-bas, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Et comme il a parlé. Oui. C'est seulement un maître qui est avec toi. Oui. Qui peut parler avec lui, oui. négocier. Oui. Je comprends, non. Que des questions, ça. C'est mon petit. Oui, c'est mon petit, c'est mon étudiant. Oui. Oui. Je le laisser passer. C'est moi, il lui donne alors son mot. Oui. Oui. Et là, donc, dans cette dimension où vous vous trouvez, oui. qu'est-ce que vous voyez aux côtés? Vous voyez l'environnement? Quand tu es là-bas, oui. Hein, oui. là, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Oui. C'est-à-dire que la porte est là, c'est-à-dire que tu vois, comme il est placé là, oui. la porte est à côté de lui. Oui. Oui. Mais c'est comme tout est l'univers. Comme l'univers. Parce que quand tu vas entrer, c'est là où tu vas voir la ville. Oui. Mais tant que c'est fermé, tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, lui, il est à l'extérieur comme il est. À l'extérieur comme il est là, comme gardien. Oui, mais l'extérieur dont vous êtes, oui. c'est à quelle forme? Il y a quoi là-bas? Tu peux voir une porte lumineuse, oui, un peu partout là. Oui. Mais tu es à l'impossible que non. Et ce n'est que le seul endroit où il faut passer. Il faut passer. De toute façon, quand vous traversez là, vous le rencontrez directement. Directement. Mm-hmm. Oui. C'est là où je le rencontre. Oui. Mais que non. Donc c'est comme exemple, comme nous voyons souvent dans Stargate, oui, on nous voit des dimensions, ça vous fait tomber quelque part. Quelque part. Voilà, ça veut dire que ces films-là sont les films d'initiation. Oui, alors. Ça veut dire que ce sont les films d'initiation. Mm-hmm. Les films d'initiation, oui. Et les enfants. Une porte à une autre. Oui. Oui, c'est comme ça. Waouh. Porte à une autre. Y a-t-il des cas de films comme ça que tu connais des oui, il y a par exemple un cas où j'ai regardé la télé. Oui. L'épée de vérité. L'épée de vérité. Oui, le gars tracé un tétraèdre au sol. Oui. Oui, il a. Oui, genre, TF6. TF6. Oui, il a tracé un tétraèdre au sol et tout. Il a invoqué, il a rassemblé la fille et le garçon, les deux filles et le garçon. Oui. Ils ont invoqué, ils ont levé les mains en haut. Oui. Maintenant, à 16, j'avais rendez-vous avec M. Pinda, oui. qui est un ami de papa. Qui est papa déjà mort. Qui oui. oui, maintenant, je suis allé là-bas. Oui. Avec Ebongé et les autres les gars. Oui. oui, maintenant, il nous a dit que bon, on t'a fait le commentaire, mais il a dit que ok, il faut qu'on travaille. Oui. On est allé derrière à côté de Mangué. On a tracé derrière la maison de Bongay, oui. mon ami. On a tracé, tout et tout, on est entré là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne veut plus sortir. Oui. Maintenant, on a commencé à prier, on a levé les mains. Oui. C'est là où je me suis rappelé oui. que je viens de voir le film. Et on a posé des incantations. On a levé les mains en haut. Oui. Et avec mes... On a déjà fait FC. Après, comment je leur dis que mais je viens de voir le film maintenant. Tu as des appels à télé comme ça. Oui. Je viens de voir ça. Et je vois en fait ceci-là. Oui. Et là, on commence à débattre. Il me dit que non. Lui-même aussi, il avait un film où le gars se donnait un mot. Oui. Et il avait répété le mot là, c'est-à-dire que ça allumait le feu quelque part. Oui. oui. Et il voit que c'était la blague. Oui. Le gars donne le mot là-bas. Oui. Lui, il a répété ici. Il a fait ça comme ça. Il a allumé le feu. Donc, physiquement à la maison, il a fait quelque chose dans le film. Comment il a fait, Et lui, il a répété ça à la maison. Le feu est sorti. Le feu est sorti. Tout comme c'est sorti dans le film. Il est là-bas. Il a dit que, non, c'est là qu'il a compris que l'affaire là. Même comme... Donc, ça veut dire que les films qu'on prononce, Dragon Ball, ainsi de suite, autre là-bas, dans manga, autre là-bas, oui, ce sont des initiations. C'est des initiations. Pour captiver les enfants, pour que les enfants soient comme eux. Pour qu'ils soient capables de voir des initiations. Pour que même dans le rêve, oui, ils commencent à aller voir, voir ces mecs-là, à faire comme eux. Et oui. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on conseille aux parents de faire trop attention. Oui. Et là vous êtes allé pratiquer ça, vous avez vu cela. Tu as vu la même chose que vous avez pratiqué. Oui, j'ai vu comment on a pratiqué. Donc on a commencé à chanter, à appeler les peut-être les mêmes mantras n'étaient pas presque les mêmes. Oui. Mais on a levé les mêmes. C'est la même chose. C'est là on a levé les alors mêmes. Alors que Pena n'était pas là. Pena n'était pas là quand je regardais la télé à la maison. Après ça, quelle était sa réaction quand tu lui as dit? Il m'a dit, c'est là où il m'a dit qu'il avait vu. Que je dois faire attention. Oui. Parce que lui, il avait vu le monsieur, le même monsieur, oui. À la télé, il avait prononcé un mot et il avait fait sortir le feu quelque part. Oui. Et lui aussi, il l'avait fait. Oui. Il a compris comment est-ce que le feu est sorti quelque part. C'est-à-dire que c'était une vibration. Oui. Et c'est arrivé. Il a compris. Et on fait comme ça que les enfants. Il a testé. Oui. Pour voir effectivement c'est que, si c'est vrai que ce que le gars a fait là-bas à la télé. Oui. Oui, il a testé, il a compris que non. C'est là où il nous a dit de faire attention. Lui-même, il nous a dit. Oui. Alors que quand vous voyez, faites attention. Vous faites attention. Mm-hmm. Wow. Donc c'est comme ça que l'épée de vérité. Oui. Oui, le fait qu'il a, il a un robe rouge et les cheveux blancs comme ça. Là. Il a un nom là. Oui. Donc ça veut dire que ceux qui sont derrière les films là, ce sont des gens qui ont des pensées d'initiation des masses. De masse. Oui. Bon, initiation. Mais ça se passe, ça se passe, ça se passe. Ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, c'est ça qu'ils viennent reproduire. Ils viennent reproduire. Oui. Ok. Maintenant, avançons maintenant dans le projet parce que ça fait longtemps que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous comble du fait que vous venez témoigner ainsi. Et je crois que c'est l'une des voies ici que Dieu a utilisées pour délivrer les gens qui sont dans ces choses-là et pour prévenir les gens que le monde que nous voyons là n'est pas simple, comme ils disent. Oui. Qu'on comprenne la profondeur des Écritures dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous sommes les dieux et le monde actuel est sur le pouvoir du malin. Du malin. Donc maintenant, nous allons passer rapidement à la conversation parce que votre père a beaucoup de casquettes, beaucoup de choses qu'il fait, beaucoup de choses. Avant même sa mort, nous allons parler de sa mort, puis de votre conversion. Mm-hmm. Votre père est mort après votre conversion ou bien avant? C'est quand mon papa meurt. Oui. Parce qu'il était malade. Oui. Il était à Bonassama. Oui. Alors, il a Bonassama. Il a commencé à me dire que les maîtres en train de se bagarrer là-bas. Oui. Les maîtres se bagarrent là-bas. Il est à l'hôpital. Il me laisse ça comme ça. Que les gars, il a été bagarré là-bas. Les maîtres en train de se bagarrer là-bas. Donc, on discutait son âme. Oui, on discutait son sort. Son sort. Oui. Entre temps, il dit qu'il devait l'opérer. On devait l'opérer. Oui. Son ami Pena est venu le rendre visite. Oui. Et M. Pena m'avait donné un exercice pour me dire que je chante l'exercice là. Oui. C'est Orioko, quelque chose comme ça. Donc tu es garde malade, tu viens à côté de ton papa. Oui. Son ami intime qui est venu rendre visite à son, à son qui ami. Qui me donne donc un mot de passe. Non, c'est quand il sort. Tu l'accompagnes. Il l'accompagne, c'est là où il me donne ça. Quand on descend l'escalier. Tu sais pas ça à quoi ça sert. On était au Sandy. Quand on descend l'escalier, c'est là où il me donne ça. Oui. Il me dit de chanter ça. Oui. Oui. En tout cas, je ne savais pas. Plus tard que tu vas comprendre. Plus tard que tu vas comprendre. Parce que, voilà, je vais un peu ouvrir cette page-là. Lorsqu'on était à la maison, oui. Mon père était malade. Oui. J'étais avec mon ami Bongay. Oui. Mon papa avait demandé de qu'on chante le yo. Oui. Oui. On s'est mis à chanter le yo chez moi. Oui. En avant de 2 heures. Minuit, 2 heures. Oui. Minuit, 2 heures. On a commencé à chanter le yo chez moi. Oui. On avait. Et mon ami était à côté de moi. Oui. On chantait le yo, chantait le yo. Immédiatement, quand j'ai fait passer la main, oui. À côté de moi, et mes dangers constaté que mon ami n'était pas là. Oui. Il était censé être moi. Vous étiez debout. On était debout, on chantait le yo. Vous êtes en deux physiquement. Oui, on chantait le yo, on chantait le mantra. Tu la main. Mais, et mon ami n'est pas là. Tu ne sais pas pourquoi ta main y est allée. Et voilà. Oui. Il n'est pas là. Oui. Je ne sais pas pourquoi mon ami n'est pas là. Mais je continue à chanter. Après, je me calme. Quand je vous les yeux, je me trouve. Oui. Maintenant, il part. Un esprit me dit qu'on arrête ça. Oui. J'arrête. Il part. Et ce qui n'est pas normal parce que d'abord, quand vous commencez, vous devez finir. Voilà, j'ai arrêté. Il est parti. Oui. Maintenant, mon père m'appelle que, mais c'est comment vous avez arrêté de chanter? Comment il sait que vous avez arrêté de chanter? Je ne sais pas comment il a su. Mais il a su. Il est à l'hôpital. Mais il a su qu'on a arrêté de chanter. Oui. Maintenant, il part à la maison. Je n'ai pas suivi mon ami Bongay. Quand je chante encore le you. Oui. Je suis assis sur la chaise, il est assis sur le lit. Quand je chante immédiatement, le sommeil nous prend. Oui. On arrête encore de chanter. Ça, c'est dans la nuit encore. Dans la nuit encore, oui. C'est comme ça qu'il m'appelle le matin, il me dit que, mais. Vous comment vous depuis que vous chantez là c'est comment je vous ressens pas rien vous dormiez il me dit que vous dormiez il dit que on était fatigué il dit que non je sais que vous êtes allé dormir il m'a dit je vous ai vu il dit que tu m'as vu comment il dit que je sais que vous dormiez je sais que vous dormiez il y a été le débat et c'est la discussion comme c'est un haut initié, on va trop discuter. Puisqu'à la maison même déjà, il avait les oiseaux qui vous suivaient. Quand il n'est pas là, quand il a l'information. Et ça ne vous étonnait pas à la maison, vous discutez n'importe quoi à la maison. On ne savait pas que les oiseaux là-bas, il avait fait un patalon d'oiseau, on ne savait pas qu'il avait un patalon d'oiseau. Oui. Oui, partout où tu étais, l'oiseau était avec toi, donc tu ne savais pas que. L'oiseau suivait. Il te suivait, et ça lui rapportait des informations, même à la chefferie. Oui, c'était comme ça. Donc quand il venait à la maison, il grondait, il frappait le poing sur la table, les lumières s'éteignaient. Il éteignait, c'était comme ça. Alors il utilisait cette puissance là. Il avait donc il vu qu'il avait plusieurs autres. Ce qui fait que lorsqu'il tombait malade, il savait que c'était sa fin. Oui. Et il cherchait dans le camp. Oui. Il a demandé même que j'appelle sa soeur la Limbi. Oui. Sa soeur n'est pas venue. Sa soeur Doudou, elle n'est pas venue. Oui. Parce qu'en réalité, il voulait livrer sa soeur. Il n'est pas venu, Lui, il savait que s'il avait possibilité de livrer, il livrait. Oui. Mais c'était comme ça qu'il fonctionnait. Oui. Ne blague pas. Parce que je vous rappelle qu'il a voulu livrer M. Pinda. Oui. Qui est son ami intime. Son ami intime. Il est venu un soir. Oui, il est venu un soir. Oui. Il a dit à M. Pinda, c'est comment il est venu, il est reparti. Il est encore revenu à 2 heures. Oui. Il dit à M. Pinda que oh, bon, il faut que tu m'accompagnes pour acheter le mouton. Oui. C'est là où M. Pinda dit que. Lâche le mouton à minuit. Oui. Non, il faut que tu m'accompagnes le matin vers 5h30 pour qu'on arrive en Banga. Oui. Le marché de ces Banga. Le marché de Banga. C'est cool, là. Mm. Pour acheter le mouton. C'est là où mon papa, je sais pas si c'est Mbango, c'est où. C'est là où M. Pena lui dit que je veux t'accompagner comme Abraham, Isaac avait accompagné Abraham donc, à l'hôtel. Il comprend que Abraham et Isaac est le sacrifice. Le sacrifice. Donc il comprend tous ces principes. Il comprend déjà directement. Oui. C'est là où le papa a compris. Et après, c'est là où je crois Lolo, la tante, la soeur de mon père était décédée. Oui. Donc, après cet événement-là, la soeur de mon père, il y avait des soeurs qui étaient décédées. Hein. Oui. Oui. Une série de personnes sont mortes. Oui. Il y a des personnes qui savaient qu'il était pas décédé. Oui, c'est une personne qui savait que mon papa était dangereux. Oui. Ça, on le savait. Oui. Vous comprenez. Moi, mais moi, je ne. Moi, de ma tête. Tu n'avais pas ça, tu ne savais pas tout ces choses. Non, je ne pouvais même pas accepter que tu parles mal de mon père. Voilà. Je ne pouvais pas accepter. Puisque vous étiez dans le même. Dans le même en fait, tu et je l'aimais. Oui. J'étais attaché à mon père. Oui. Maintenant, quand il est tombé malade, on l'a amené là-bas à l'hôpital de Bonansama. Général. Après Bonansama, on l'a amené à Général. Oui. Et là, les médecins vont faire des diagnostics. Lui, étant sur le lit, il sait exactement que son problème n'est pas physique. Oui, il le sait. Mais il dépense de l'argent. Oui, il est là-bas, il dépense de l'argent. On va même l'opérer. On va même l'opérer. Oui. Ça va bien se passer, mais il va toujours dépenser beaucoup d'argent. Oui. Parce que quand ils savaient qu'on a opéré, on a voulu opérer à Bonansama, ça n'a pas donné. Oui. On l'a amené à l'hôpital général. Et c'est dans cette période là que tu dis qu'on l'a amené quand même chez le marabout et le marabout l'a chassé. Non, c'est après. Après, oui. Non, là c'était au ce qu'elle était avec ma maman depuis. Ok, donc c'est une mais maintenant, ils ont tenu une tournée. Maintenant, nous sommes dans le way of foot. Oui. Maintenant, quand il va quitter, ils sont là-bas à l'hôpital général, ils vont quitter l'hôpital général. Oui. Jusque-là, il n'y a pas la guérison. C'est caché même à Bounaberry, moi je ne le connais même pas. Oui. Parce qu'on va croire que je connais. Oui. On va m'amener là-bas, on va m'aider qui veut me voir. Oui. On va venir, on va causer, causer, après on repart. Oui. Mais d'ailleurs, on repart, on va m'amener chez un marabout, après on va l'amener même chez certains soeurs, où c'est où là, oui. C'est à Dibamba, où c'est où. Oui. On va l'amener là-bas pour le traiter, pour le soigner. Oui. Ça n'est pas toujours donné. Oui. Et c'est comme ça qu'il va mourir. Oui. Les pieds en flair, son corps et tout. Et c'est après cet événement donc que tu comprends que l'exercice qu'il avait demandé que tu fasses avec ton ami. C'est M. Pena qui m'avait expliqué quand je lui ai demandé. J'ai dit à M. Pena qu'on a fait telle chose après la mort de papa. Oui. On a fait telle chose. J'ai fait comme ça, mon ami n'était pas à côté de moi. Donc tu as lancé la main pendant qu'on faisait les exercices. Oui. C'est là où il va expliquer ce qui s'est passé. C'est là où il m'a dit que non. Sache que quand vous étiez en train de faire l'exercice là, moi j'étais en contact. Comment il savait que vous étiez en contact? Parce que c'était lui qui contrôlait Bongué. Donc celui qui était. C'est lui qui avait initié Bongué. Oui, c'est lui qui était chargé de mesure. Oui, on avait invoqué, quand on l'initiait, on avait invoqué Katadaki. Katadaki, un maître spirituel. Oui. C'est une femme. Oui. Oui. Katadaki, donc c'est dans le domaine spirituel, il y a aussi les femmes là-bas qui sont. Oui, il y a les femmes, comme Zena, c'est une femme. Oui. Et Zena là, c'est un esprit, mec. L'esprit, oui, l'esprit que tu peux. Oui, de combat, non? Oui. Oui, tout ça. Donc ce qu'on voit à TF6, là, la chaîne TF6, Zena la guerrière. Oui, tout ça. Oui. Ce sont les mythologies, mais qui sont réelles. Oui, les esprits. Oui. Donc c'était elle que les esprits, là, comme ça, qui sont venus vous protéger. Oui, cette femme. Katadaki, quand on l'avait initié avec ça et tout, tout on est sûr avait accepté, a tout est devenu rouge. Donc c'était comme ça, c'est lui qui avait initié, c'est lui qui était chargé de mission pour Bongué. Donc chaque fois qu'on est Bongué en danger, il est au courant. Et il est au courant. Oui. Bah, tout est Bongué, c'est ça qui le faisait disparaître. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui l'enseigne. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il est comme son mentor. Ok. Physique. Bon, en tout temps alors, il m'a dit expliquer que quand parce que c'était pour pour que mon papa me prenne. Il était question que oui, mon père livre. Mon livre. Pour s'en sortir. Voilà. Entre temps, alors, ça n'a pas plu parce que j'avais séparé. Oui. Étant là-bas à la maison, j'avais séparé entre toi oui. Et bon. Comme il ça, fallait c'est... qu'il livre quelqu'un, c'est qu'il livre lui-même son fils, oui. Mais qu'il ne touche pas. Et bon, et bon. C'était comme ça. Et entre temps, il t'avait aussi donné quelque chose à l'hôpital alors que tu l'as compris. Oui, un mot. Oui, et c'est là où il va t'expliquer également. Oui, que j'ai donné un mot de chanter, oui, c'était oui. Pour te protéger toi-même. Oui. Oui. Et ça, il t'a arrêté. Oui, c'était arrêté qu'il devait partir. Il devait partir. Oui. Oui. Tant de temps. Et là, maintenant, quelque chose encore se passe. Il est couché physiquement sur le lit d'hôpital. Et il parle de votre père. Oui. Et il dit que ça se discute sur lui là-bas en haut. Oui. Ça se voit qu'il est conscient que quand il va quitter, il sera quelque part. Oui, c'est qu'il sera quelque part. C'est vrai qu'il sera bien accueilli avec les maîtres du Wolf Tree. Oui. C'est ce qu'il dit. Et donc là, bah, je dis que là-bas, parce qu'au fond aussi, c'est après que j'ai appris oui. Qu'il avait plusieurs ordres. Plusieurs ordres longs, oui. Et c'est pour ça que ça s'est bagarré maintenant. Oui, il a plusieurs ordres. Il y avait un ordre qu'il voyait qui était plus grand. Pour lui, quand il y a une situation devant lui, oui, lui, il y a possibilité. Il laisse un autre ordre. Il l'a, même comme il est là avec vous, il y a dans un autre ordre. Il y a l'infidélité même chez Satan. C'est pourquoi on disait souvent que. Il y avait certains parents, je me rappelle quand j'étais Kanka, oui. Un papa avait dit que les Kanka que M. Billet et M. Pinda fait, oui. C'est différent de les Kanka que nous faisons celui. Donc on le voyait là-bas alors qu'ils oui. Avaient d'autres sociétés. Oui. Parce que M. Pinda, par exemple, son cas, oui. M. Pinda est né. Son papa était, il avait fait. Il est devenu pasteur. Oui. Il a fini la formation de pasteur. Oui. Mais quand on voulait le porter la touche de pasteur, oui. Il avait refusé. Oui. Pourquoi pour porter la touche de pasteur? Pour que ton nom soit un peu partout. On va dire qu'on parle de grand pasteur. Oui. Il fallait que tu donnes un enfant. Oui. Dans quelle école de formation biblique? Je crois EEC ou UBC. C'était comme ça, les grands pasteurs, les noms, l'ancien nom de Douala, les grands pasteurs de Douala. C'était comme ça. Il livrait. Oui. Dans les formations bibliques, les enseignements bibliques sont des loges aussi, des grandes loges. Il dit que c'était comme ça. Le papa l'a refusé, le père de Penda avait refusé. Oui. Donc s'il devait accepter, il devait donner un enfant. Oui. C'est pas qui. Oui. Il devait donner un enfant. Oui. Il a refusé. Oui. Parce qu'il avait plusieurs enfants, il devait donner un enfant, il a refusé. Mm-hmm. Mais quand Penda est né, oui. C'est lui qui avait formé Penda, c'est-à-dire que Penda l'avait mis une chaussette oui. Au niveau de son pied. Oui. C'est l'histoire qu'il nous avait raconté lui-même. Oui. Oui. Sa maman a fait, je crois, et est né aujourd'hui, le lendemain, donc on l'a amené à l'hôpital, à la sortie de l'hôpital. Oui. Ils sont partis à la maison avec un pied de chaussette. Oui. Vous comprenez oui. Son papa avait fait un pacte. Oui. Vous comprenez non? C'est-à-dire qu'il avait la connaissance des pactes était franc-maçon. Oui. Direct. Oui. Il y a franc-maçon. Simple que vous voyez, oui. Il y a franc-maçon pacte pur, comme pacte pur oui. D'Allemagne. On te baptise immédiatement, oui. C'est ça. Donc, dans la pété de là, oui. Et c'est son papa qui était celui qui dansait parfois avec l'eau. Il y a un esprit qui danse là avec à côté. De... Bon, quand vous voyez le gondo, oui. Vous voyez la cage à l'entrée de la cage là. Où les chefs entrent souvent à la cage qui est à côté de l'eau. Oui. Il y a une cage à côté de l'eau. Donc, le donc il y a un monsieur. Il veut qu'on rappelle donc que tu es de Douala, que tu es de Sawa, des cantons Douala. Oui. Et par conséquent, donc, votre danse traditionnelle, votre tradition, pratiquement, c'est le Ngondo, une autre tradition. Et lors de ces festivités, donc, il y a une case où on construit. Oui, les chefs vont entrer. Chef entre. Mais oui. Il y a alors un monsieur. Là, qui comme il danse comme le Kunga. Oui, il danse comme chez le chef. Le Kunga. Oui. On danse avec lui. Et danser avec lui, ce sont les techniques, les mots, c'est ce qu'on utilise oui. Pour savoir danser avec lui. Si oui. Tu ne connais pas danser avec lui, tu auras des problèmes. Oui. Donc, c'est le papa là qui avait le droit de danser avec lui. Il avait le seul. Oui. Et la personne qui reveste là, est-ce que c'est un être humain simple ou c'est un esprit? Bon, ça, ce sont les coutumes et traditions spirituelles des Ngondo, les gens traditionnels. Oui. Les gens traditionnels, oui. Ils sont peut-être traditionnels aussi. Oui. Oui. Ça fait que les grands pasteurs, il y a beaucoup de grands pasteurs qu'on a connu, on a connu leur nom ici, voilà, oui. Mais qui savaient qu'il y avait d'autres pouvoirs. Oui. Oui. Et ils manifestaient dans l'église. Oui. Oui. Bon, maintenant alors, Pénard commence à grandir dans la formation. Dès le départ, il a été baptisé. Oui, là-dedans. Il était baptisé, tout. Son père de la mitra. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que son père a fait la formation de pasteur. C'est vous sorti, avant de lui mettre cette touche-là, il a refusé. Il a refusé de l'aider pasteur. Oui, il a passion, mais il a quand même cédé à la franc-maçonnerie. Oui, il était la franc-maçon, il était franc-maçon. Oui. Oui. Une ancienne église. Oui. Il était la franc-maçon et tout. C'est qui chante bien là, et long, et vous voyez souvent les gens blanc. Oui. Tout là, oui. Donc, dans l'église évangélique, on les voit en blanc. Oui, ils sont à l'intérieur. Les mangeurs sont là-dedans. Oui. Dans le monsieur, alors là, c'est lui qui a mis M. Pinda là-dedans. Son propre fils, non? Oui. Baptisé, comme votre père vous a mis aussi dedans. Comme notre père nous a mis dedans. Oui. Donc, voilà comment est-ce qu'il a commencé à faire des choses. Bon, il a grandi là-dedans. Ça fait que M. Pinda nous a rendu que quand à la maison, même quand il voulait cacher quelque chose, quand il veut fouiller, Oui. Le prononcer, c'était un mot. Oui. Oui, la chose sort seule. Oui. Oui, c'était comme ça. Donc, et la seule personne qui le dérangeait, c'était M. Pena. Oui. Bon, mais moi, quand M. Pena connu maintenant avec Ankara, oui. Il s'entendait un peu avec son père. Oui. Vous comprenez un peu. Il a dépassé son père. Il s'entendait un peu avec son père. Oui. Oui, il y avait beaucoup de choses comme ça. Oui, M. Pena aussi a fait. Comment on fait ça? Tu dis ça ou ça là? Oui. Le Coran, il a lu l'islam. Il a fait le Coran. Il a lu le Coran, il a lu le Coran. Oui. Il a fait l'islam. Il était dans la franc-maçonnerie. Il a fait l'islam. Il a fait aussi maintenant Ikanka. Mais il vous a raconté quoi par rapport à l'islam particulièrement? Oui, il nous a fait comprendre que c'est lui qui nous a fait comprendre que maison commune. On ne va pas. Que même avec l'islam, ils sont allés. Ils sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ils sont à l'intérieur parce qu'il y a le monsieur qui était son ami, un papa. Oui. Qui a voulu le livrer. Oui. Oui. Et maintenant, on a averti à M. Pena, oui. Il n'est pas parti là-bas. Oui. Il n'est pas parti. Chez le papa là. Oui, il y avait un rendez-vous comme ça, il n'est pas parti là-bas. Il n'est pas parti. Le papa était musulman. Oui. Un marabout, un grand marabout. Oui. Et musulman, il était presque imam. Oui. Oui. Et lui aussi, il était, il travaillait avec le père là, ben, et le papa a voulu livrer. Oui. Parce que, vous savez, ils sont avec Caïman. Ils sont comme dans l'eau. Hein. Ils savent qu'ils livrent une personne de grande importance pour apporter le pouvoir à voilà. Dans. Et il a voulu livrer, ça n'a pas donné. Oui. Vous comprenez ce que je dis. Oui. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc, quelles sont les choses que Pena a racontées par rapport au Coran, par rapport à l'islam, de façon particulière? Il vous a-t-il raconté des choses? Il a dit qu'il est le Coran, il a dit que ce que vous voyez là, il nous a fait quand même comprendre que l'islam, là-dedans, quand tu lis le Coran, il y a beaucoup de choses. Oui. Qui sont des clés. Qui sont des clés. Oui. Oui. Il nous a dit que même en dehors de ça, ils disent des choses qu'ils ne font pas. Oui. Ils font d'autres choses. Oui. Avec les Yassines, avec les Sourates. Du Sourate, oui. Oui. C'est à travers même de l'islam qu'il avait, le monsieur, le papa là, oui. Lui avait donné un exercice qu'il avait fait. Et on avait pris. Vous voyez, par exemple, il était chez lui, oui. Il a prié. Bon, il voulait ce que Abraham. Oui. Avec où est son fils, oui. Vous comprenez, l'huile dans son avec, oui. Maintenant, il voulait recevoir ça, oui. Et maintenant, il a fait l'incantation, l'invocation, oui. Ça. À travers l'étude de l'islam, oui. Oui. Ils avaient que la tortue de la maison, comme vous voyez là-bas, oui. Elle s'est pliée. Il ouvre la chambre seule, hein. Oui. Parce qu'elle fait ses personnages, c'est plié comme ça, il a commencé à se plier. Oui. Et on leur dit que si l'huile là, oui. Tombe sur toi, oui. Hein? Oui. Tu vois ce que tu meurs. Oui. Et il voulait cette huile pour faire quoi? Hein? Il voulait cette huile pour. En fait, c'était une expérience aussi pour lui. Il voulait tester, oui. Il voulait tester. Oui. Donc, à travers ce que le monsieur, le papa lui avait donné, il avait donné un livre là-dedans. Oui. Donc, il avait fait des incantations en parlant toujours. En... Donc, comme dans tous les. Comme un musulman. Oui. Bah, oui. Il l'a invoqué. Oui. Oui. Il voulait l'huile d'Abraham. Oui. Pour Wendru. Ce qu'il avait ouvert à Isaac. Oui. Il voulait voir ça. Il a dit que si lui la tombe sur toi, tu meurs. Oui. Oui. Et il a refusé. Et c'est, donc, il a vu à distance quand ça descendait. On dit que si ça tombe sur moi, oui. C'est fini pour toi. Oui. Et il a demandé que ça monte. C'est remonté et c'est parti. Oui, il y a tout son revenu. Mais il y a un très grand bruit, c'est avec un tonnerre à frapper. Un vilain qui a frappé. Et c'est comme ça que. Et les gens d'en face, parce qu'ils avaient deux maisons. Lui était dans sa maison. Oui. Et ils ont compris le bruit. Mais ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Passé. Lui seul, il savait ce qui s'est passé. Et les gens de sa maison ne le savaient pas. Non, les gens de sa maison, quand même. Il y a des gens quand même, c'est vrai qu'ils connaissaient que le gars, c'est l'enfant, c'est depuis le bas âge. Il n'est pas un autre. Oui, c'est là, monsieur. Alors, que nous sommes en train de prendre ce témoignage, il est encore vivant. Il est vivant, il est avec. C'est lui qui est le maître des Bongains. C'est lui qui est comme le mentor des Bongains. C'est lui qui dirige les Bongains et tout. Oui. C'est lui. Oui. Donc maintenant, nous allons passer. Il y a un événement lorsque vous allez sortir de. Lorsque vous allez rentrer de Yaoundé, il est question d'installer le centre maintenant. Oui, vous êtes en prière et puis quelque chose s'est passé. Oui, lorsque on a installé le centre à Bonindale, oui. Les Ounis se sont venus pour bâtir le centre de Bonindale. Oui. C'est là où nous avons monté les CD. Quartier dans le banlieue de Bonabéry. Bonabéry qui est sorti de Douala. Au sorti de Douala, donc à Bonindale. On rappelle également que c'est entouré par l'eau du Vorée. L'eau du Vorée. Donc on a chanté le loup. Oui. Et les maîtres, oui, ça c'est dans la nuit. Dans ça. La nuit, oui. On a chanté. Les maîtres, vous savez que dans un village, il y a toujours les chefs, on les appelle ça les gardiens de la tradition. Les gardiens de la tradition, les esprits, oui, et les esprits de l'eau sont venus. Les esprits de l'eau sont venus. Aussi, voilà, pour savoir quels sont les étrangers. Qui, sur le territoire. De leur territoire. Oui. Oui, ils ont trouvé les maîtres. Donc ça veut dire qu'un territoire que nous voyons, comme le un village. Sont divisés en quartiers. Les quartiers sont divisés okay. Et chaque esprit contrôle son quartier. Oui. Quand il y a une situation, les esprits se regroupent. Il faut savoir pourquoi les questions. Il décolle les questions. Exactement comme sur le, dans le cadre humain, quand il y a un problème, les chefs du quartier, okay. Les blocs se réunissent. Ils se réunissent. Oui. Oui, c'est comme ça qu'ils sont venus. Ils nous ont trouvé en train de chanter le yo et tout. On était en train de chanter le yo et les mantras. Maintenant, quand ils ont voulu pour entrer, oui. Ils ont trouvé les maîtres. Oui. Qui les ont répondu, comme j'ai l'habitude de dire, mettons comme une chambre à bras. Oui. Et les maîtres là sont les maîtres de plan supérieur. Les plans supérieurs qui veillent sur nous. C'est ceux qui ont intercepté. Ils ont répondu. Oui. Et ils ont compris que non, nous sommes de la même maison. On est la même maison. Oui, maison on est dans le zoo. Chambre à bras. Nous sommes sur la terre. Il n'y a pas de problème. Oui. Et ils sont ces esprits des eaux. Parce que le vortex, je veux vous rappeler le vortex de Bonindale. Parce que j'avais fait l'exercice là, on m'a montré que le vortex de Bonindale, c'est l'eau. Et je vais vous expliquer ça pour que nous puissions comprendre. C'est-à-dire que la vortex, c'est-à-dire que la force où le Bonindale tire évidemment sa force. Oui. Les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Donc ce sont oui. Eux qui ont l'autorité là-bas. Oui, ils tirent leur force dans l'eau, oui. Les esprits des eaux. Oui. Ouais. C'est-à-dire que si un chef à Bonindale, celui qui le commande, il va passer par l'eau. Par l'eau. Même par l'initiation, il va passer par l'eau lorsque. Par l'eau. Oui. Et donc, ça veut dire que les rituels dont on fait comme le Bonindale, on publie là, c'est oui, pas sain. Oui, ce n'est pas sain. Puisqu'on a dit que les gens entrent même dans l'eau, ils sortent sans compte. Il y a rien de côte, le serpent de mer, c'est lui qui gère Ngondo, le Jean Ngondo. Et on voit effectivement les pasteurs qui sont de votre tribu, qui sont notamment. Qui sont notables. Toujours des bâtons noirs de commandement comme le Oui, oui, oui, oui. Donc c'est là-bas, c'est comme ça. Tout le monde le sait. Que le Ngondo, tous ceux qui pratiquent le Ngondo dans le fond, savent que non. Ils ont leur Dieu. Oui. Oui. Ils ont leur Dieu, ils savent ce qu'ils font. Les chefs savent ce qu'ils font. Oui. Et que disons des jeunes filles qu'on passe, parce qu'on prend les vierges et autres là, on prend les gens, il y a des pagnes même de Saint-Gondo où les gens portent avec des symboles là-dessus. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est simple? Une chose est sûre, c'est que ceux qui organisent le Ngondo et avec le folklore tout autour, en vendant les pagnes, en vendant ici, c'est pour leur festivité, mais véritablement ce qui se passe. Donc même pendant la festivité, ce qui se passe, ce n'est pas ce que vous voyez là. Lié avec les esprits dans la oui. Ce qui se passe en réalité, ce n'est pas ce que vous voyez. Oui. Oui. Ce n'est pas ça. Oui. Les choses ont été décidées avant. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant. Oui. Ce n'est pas ça. Oui. Dans la chefferie et tout ça, c'est les esprits des eaux, ils savent. Oui. Même comme c'était ça dans la magie blanche. Oui. Oui. Comme Kankao, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans cette histoire. Oui. Oui. Mais ils sont connectés aussi à l'esprit de l'eau. Voilà. Il y a un événement particulier qui va marquer ta vie. Oui. C'est l'événement de ton père avec la mort du chef de toi là et que ton père va décider, il y aura un clan, des clans, des disputes au sujet du choix du remplaçant du chef. Et que ton père va prévoir de raconter nous cela. Ton père est parmi les lorsque, lorsque le chef meurt, le chef de Bonaberry, Enis Koumbel. Oui. Ouais, Enis Koumbel, il va mourir. Lorsqu'il va mourir, immédiatement, il y a 7 cousins à la course, à Bonaberry. 7 cousins. Deux parmi les 7 cousins, il y a le maire de Bonaberry, à l'heure actuelle, Elanga Confédéric. Oui. Le maire de Bonaberry, le quatrième, Elanga Confédéric. Oui. Entre temps, comme moi, j'étais l'un des fils qui était rapproché à mon papa, et mon papa soutenait le fils du chef, parce que le fils du chef, au départ, n'était pas la compétition. Oui. Mais quand il va entrer dans la compétition, parce que le chef, ça va bon s'asseoir, on dit que mais pourquoi on est en train de te jouer. Est-ce que Enis n'a pas laissé les enfants, les enfants. Oui. On dit qu'il a laissé même sur 3 garçons. Oui. Et là, on dit que mais on peut prendre les deux. On a cherché parmi les 3. Oui, parmi les 3 qui s'entendent là-bas. On les envoie, la lettre et l'argent, on envoie là-bas. On envoie ça en 95. Oui. Comment il s'appelle Sopo Puiso. Oui. Paul Sopo Puiso. Voilà. Et il va lui demander que mais il n'a pas laissé, on a dit qu'il y a aussi. Il a dit qu'il a envoyé le ticket, le billet d'avion, tout, là-bas en France. Oui, donc, les trois, à l'extérieur. Et les, qui s'asseye, et il décide, celui qui va descendre, pour venir par la chefferie. Oui. C'est comme ça que les chefs supérieurs vont le soutenir. Oui. Vous comprenez ce que je dis, les chefs supérieurs vont le soutenir. En même temps, votre père est notable là-bas. Est notable aussi. En même temps, maintenant, le nouveau maire de la 4e, qui voulait la chefferie à l'époque, va rallier parce que 8 notables. Quel est son rapport avec le chef? C'est un cousin du chef. Un cousin, ok. Oui, un cousin. Il n'est pas un fils direct de. Non, non, c'est un cousin. Alors que normalement, ça doit être pas. C'est un cousin. Maintenant, il va rencontrer le père un jour. Il va dire au père que petit frère, je veux prendre la chefferie. Le père va dire que tant que moi je vais te prendre, on va prendre la chefferie. Donc, ce mai là, le mai de Douala Katia va raccorder votre père. Oui, monsieur Boulay. Qui est l'un des notables. Il va lui dire que. Oui, il va lui dire que petit frère, je veux prendre la chefferie, l'affaire là. Et mon père va dire que tant que je vis, tu ne prendras pas. Et il va croire peut-être que ton père est en train de blaguer. Voilà comment est-ce qu'ils entrent en compétition. Oui. Oui, à la première compétition est passée et c'est lui qui a gagné. La deuxième compétition est passée, même c'est lui qui a gagné. La parce que ça veut dire que les sept notables, les sept cousins, oui. On leur a demandé, ils sont venus à la chefferie de Bounaberry. Oui. On leur a demandé de choisir, il y avait même le prince Koumba Bapé. Oui, le professeur. Oui. Koumba Bapé 3. Oui. Le prince là. Koumba Bapé 3, le professeur, non? Qui est à l'allemand. Oui. Oui. Il est enseignant à l'université. Il est enseignant à l'université. Oui. Oui. Il est enseignant. Il est enseignant même à l'université ici là. Oui. À Douala. Oui. Oui. Parce que le point c'est Mandoubé. Oui. Mandoubé 3. Oui. Vous devez le connaître. Oui. Parce que Mandoubé 3. C'est lui. Ils sont 7. Oui. Lui on va l'éliminer parce qu'on va dire qu'il est SDF. Oui. Il est SDF. Oui, oui, nous on va l'éliminer. Petit, pour l'opposition. D'opposition. On va l'éliminer par rapport à ça. Non, qu'est-ce que la tradition là a à voir avec le jeu politique? Non, c'est comme ça, on va l'éliminer. C'est déjà de quelle nation déjà? Maison commune, chambre à part. Oui. Oui, on va l'éliminer. Oui. C'est. Maintenant, il va laisser quelques cousins. On va leur dire allez vous entendre, vous apportez une personne. Oui. Ils sont partis. On ne parle pas de ces trois qui sont le fils même du roi. Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore en compétition. Oui. Il n'y a personne d'eux. Allez nous entendre, ils apportent un seul chef. Il n'y a personne. Oui. Ils viennent après. Il ne sait pas comment le sous-préfet va décider. Il va dire que c'est Elanga qui a gagné. Oui. Elanga, c'est qui? C'est le maire qui est là. Le maire qui est là. Oui. Après, les autres vont venir de Yaoundé. On dit que non, on a nul. Oui. On a nul la première fois, on a nul la deuxième fois. Oui. La troisième fois. Oui. Maintenant, voilà ce qui se passe. Quand le fils entre en compétition pour prendre la chose, il y a maintenant deux personnes qui restent. Oui. Il y a actuellement Elanga et le fils. Oui. Le fils légitime du roi. Légitime du roi. Donc ils ont accepté. L'un des fils est rentré. Oui, il est rentré. Il a trimé. Il m'a échappé. Là, il était là. Il n'avait pas de travail, rien. Oui. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Pas aujourd'hui, il a le travail. Non, il n'avait pas de travail. Oui. Il est rentré maintenant pour chercher la chefferie. Oui. Pour la chefferie de son père. En tant que maire qui est actuellement, il est déjà dans le quartier au pouvoir. Non, il est dans les députés depuis. RDP. Il voulait même la mairie. C'est-à-dire qu'il avait combattu Tanko. Mais il n'avait pas eu la place de la mairie à l'époque-là. Oui. Oui. Donc c'est comme ça que il a cherché la mairie. Il n'a pas eu. Oui. Maintenant, il est dans la chefferie. Il n'est pas dans la chefferie. Oui. Vous comprenez? Oui. Maintenant, mon père qui protégeait le fils. Oui. Il y avait parfois. Le fils est dans sa chambre. Oui. Oui, le tapis prend feu. Oui. Il appelle le fils. Pour dire que... par le pouvoir de sorcellerie, on veut le oui, tuer. Oui, on veut le tuer. Oui. Feu, il appelle pour lui dire que ton tapis a été pris en feu. Fais attention. Oui. Il se lève, il voit que c'est ça. Il voit. Alors qu'ils habitent oui, le maître de l'espace. Oui, maintes fois. Oui, ils chantaient sur le yo et tout. Nous chantons tous sur le yo et tout. Avec le chef. Oui, le chef. Oui. Mais ils chantaient ça sur lui là-bas. Oui, c'était comme ça. Maintenant, quand la décision va tomber. Oui. Oui, parce que l'histoire de la chef est jamais, mais c'est trop long. Oui. Quand la décision va tomber, que c'est lui qui devient chef. Oui. Et les autres notables ont perdu les 8 notables. Donc mon papa devient l'ancien notable avec les nouveaux notables. Donc ça veut dire qu'on a le nouveau collège de notables. Oui. Dans les 8, plus mon père, oui. Ça fait 9. Oui. Voilà comment est-ce que ça se passe. Les nouveaux qui sont entrés. Oui. Donc maintenant que mon père est devenu chef, il est avec lui. Bon, il y a quelque chose aussi qui va se passer, qui va un peu énerver mon papa. Oui. Selon lui, c'est que il y a un terrain. Oui. Il avait et que le monsieur a vendu. Le chef a décidé. Le chef de présentement. Le présentement a décidé de vendre ça parce qu'il y avait un jeune notable qui voulait construire dans ce terrain-là. Oui. Oui, mon papa a décidé de vendre. Le chef a décidé de vendre ça. Le chef connaissant la puissance de votre père. Oui, connaissant même la relation. Mmh. Forcément la relation. Mais il a vendu ça. Oui. Il a décidé qu'on va vendre ça. Entre temps, mon père avait appelé un haut lycée de Nigeria. Oui. Il avait demandé. Ils ont fait un exercice à deux. Oui. Le gars a dit que sache que ton chef va vendre le terrain-là. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez, oui. Donc ça veut dire que même entre eux, ce n'est pas on ne cajole pas, c'est moi, les gros, oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, bon, maintenant, quand le père décède, oui. Je commence à avoir la réticence. Oui. Donc, nous abordons comme ça à la phase de ta conversion au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il commence à voir l'intérêt pour la chose commence à s'estomper naturellement. Ça, tu ne sais quoi. Naturellement, je ne sais pas. Et en même temps, donc, dans, chez toi, c'est toujours dans le centre où c'est toi qui coordonne. Oui, c'est moi qui commande les prières. Chaque 18h, je gère les gars. Oui. En dehors de ça, il y a le dimanche, on se rencontre. Oui. Où on vient avec les jeunes gars du. On est là. Chez toi. À la chefferie. Oui. Dimanche. Mais à 18h, je gère le groupe. Donc le chef. À la chefferie de Doua la 3e. Le chef supplé, non, Doua la 4e. Doua la 4e. Excusez-moi. Doua la 4e. Vous avez un endroit dans ce sanctuaire, dans ce. Non, mais. J'étais à Bonindale. Oui. On nous avait donné la place dans la chefferie de Bonindale. Oui, sachant ce que vous devez faire là-bas. Oui. On savait qu'on priait là-bas. Oui. Vous comprenez ce que c'était le chef de Bonindale qui nous avait donné ça. Oui. Il est du troisième degré. Lui, il est du troisième degré. Oui. Vous comprenez ce que j'ai dit. Oui. Il savait. Donc, il savait parce qu'il est. Mais il n'était pas dans notre ordre. Oui. Il était dans notre ordre. Oui. Maison commune, chambre à part. Donc il est dans sa chefferie, vous êtes dehors. Oui. Oui. Voilà. Donc on fait nos choses. Avec les initiés. Oui, on se comprend. Mmh. Avec les initiés. Oui. Ça fait que, mais chez moi, je vais aussi à 18h. Oui. Je réunissais les gars. Oui. Parce que tous les jours, oui. Je réunissais les gars. Oui. Voilà comment est-ce qu'on priait. Oui. Oui. Voilà comment est-ce qu'on priait. On chantait le yo et tout et tout et tout. En tant que le père est décédé, j'ai décidé maintenant, j'ai eu un désintérêt. Oui. Oui, j'ai eu un désintérêt. Oui. Voilà. Et je suis resté maintenant. Je venais au champ de Dieu, j'étais plutôt engagé, je restais dans mon coin tranquille. Oui. Parce qu'il y avait des batailles. Oui. Oui. C'est comme ça que un soir, je suis à la maison. Mm-hmm. Je suis en train de dormir immédiatement. Après avoir fait le yuno traditionnel avant de dormir. Oui, j'ai fait le yuno traditionnel. J'ai dormi. Mm-hmm. J'étais fatigué. Oui. J'ai dormi. Immédiatement, je voyais souvent les maîtres qui m'apparaissaient. Oui. Donc, j'ai vu un maître qui m'apparaissait, Jésus. Oui. Mais il était sur la foi. Oui. Et il m'a dit, il m'a appelé partout trois fois. Oui. Et là, vous n'avez pas fait la contemplation. Normalement, partout, je n'ai pas fait la contemplation. J'étais chez moi. Oui. Je n'avais rien fait ce jour-là. Oui. Et ce moment, je fais un peu le chant de yo, je suis allé dormir. J'étais fatigué. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et une vision vient. Une vision vient. Oui. Qui tu vois? C'est Jésus. Oui. Il est sur la croix. Partout. Il m'appelle partout. La première fois. Partout. La deuxième fois. Partout. La troisième fois. Oui. Et c'est comme ça qu'il me dit que. Je vous mets. Il me dit. Regarde. Je suis mort sur la croix pour tes péchés. Et pour tes iniquités. Oui. Je vais verser mon sang pour toi. Oui. Et sache que si tu me suis, ta gloire sera restaurée. Oui. Et la présence qui a eu ce soir-là. Oui. Je n'avais jamais eu cette présence. Oui. Quand je me réveille, donc l'atmosphère était différente de toutes les autres fois. Oui, que je n'ai jamais eu ça. L'atmosphère était différente. Oui. Quand je me réveille le matin, le trouble commence. Le trouble commence. J'appelle les gars. Je leur dis que, gars, j'ai vu Jésus. Oui. La fois que j'envoie Jésus, j'ai vu Jésus. On me dit que non, le Jésus est dans la photo et tout. Oui. Que non. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Je n'ai jamais eu cette présence. Oui. Jamais. Donc, il croyait que c'était les maîtres qu'on a présenté, Marie, oui, Jésus. Oui, oui. Ce n'est pas ça. Oui. Il dit que non, ce n'est pas ça. Il dit que j'ai vu. Donc, c'est Jésus que tu as vu. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec les photos de Jésus conventionnel, Jésus catholique, des protestants, etc. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, c'est plutôt. Donc, ça veut dire que les catholiques et tous ceux qui utilisent l'image de Jésus, on connaît pourquoi on a fait ça. Ils savent pourquoi ils ont fait là-bas, les photos. Oui. Mais moi, ce n'était pas ça. La présence que j'avais, je n'avais jamais eu ça. Oui. Je leur dis, mais on commence à continuer toujours, malgré ça, je continue. Oui. Je chante le yo à 18h. Oui. Mais je vais constater que quand je chante le yo, oui. J'appelle le nom de Jésus. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Parce que le yo est normal, il y a une synchronisation dans votre vie. Oui, quand je chante le yo, après j'appelle le nom de Jésus. Oui. Bon, je vais constater ça. Tes élèves ne comprenaient peut-être pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas, mes amis ne comprenaient pas, mais moi, j'étais le seul qui comprenait ce qui se passait. Oui. Après un moment, j'ai arrêté. Oui. Bon. Il y avait un moment où quand je on voulait chanter, moi je sortais. Oui. À 18h, je sortais parfois, j'étais mon téléphone. Oui. Ouais, je partais me balader comme ça parce que j'avais déjà un désintéressé. Et la prière s'est passée chez toi. Oui, la prière s'est passée chez toi. Je ferme ma porte. Tu es chez un spirituel, ferme ta porte à l'heure et tu sors. Je sors. Sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi, je sors à pan. Oui. Je parle n'importe où. Oui. Oui, c'était comme ça. Oui. En tout cas, on peut rappeler donc que ta mère et ta soeur priaient pour toi. Et ma soeur et ma mère. Avec l'église de l'Église qui se trouvait dans votre maison. Dans la maison. La cellule de prière. Oui. De maman. Oui. Alors, j'étais non loin, parce que je louais d'y à ma maison. Oui. J'étais non loin, nous sommes dans le même quartier. Oui. Entre temps, alors maintenant, voilà comment est-ce que. Un soir. Oui. Je rentre, que j'ai trouvé mon ami avec le nouveau quartier. Oui. Christian. Oui. Je l'appelle, il a peur d'entrer chez moi parce que c'est moi qui l'avais mis dans le web, il l'a quitté. Tu l'avais mis d'abord dans le web, il l'a quitté. Après, il a quitté, oui. Il a rejoint l'église. L'église. Oui. Il a appelle, je lui dis que non, n'aie pas peur, entre. Elle est entrée, on s'est assis, je lui dis que bon, sache que je suis déjà en Jésus. Oui. Oui, et voilà, voilà le rêve que j'avais eu. Il a seulement soulevé la main et dit, oh, glory to Jesus. Mm-hmm. Il était content. Moi, oui. Je ne comprenais pas pourquoi. Oui. Donc, voilà comment est-ce que. Ça a commencé. Ça a commencé. Oui. Il m'a dit, bon, voilà, je t'amène dans une nuit de réveil, oui. On va prier pour toi. Oui. Et on est allé, on a commencé à prier, expliquer la femme, moi aussi, j'ai donné mon nouvel. Après, j'ai dit à la femme là que j'ai 974 mètres. 974 mètres. Oui. Donc, quand tu t'attaques comme oui. Ça, oui. Ça t'attaque. Attention. Oui. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à prier pour moi. Lui, dans son, je veux lui, dans son, me poser les mains. Oui. Et là, ça, oh, beaucoup oui, d'esprits s'est manifesté. Est-ce que quand les esprits s'est manifesté pendant qu'on prie pour toi, est-ce qu'il donnait les noms? Non. Ils étaient violents. Ils étaient violents, ça se manifestait dans mon corps, ils ne me donnaient pas le nom. Oui. Mais la femme l'a prié quand même pour moi. Oui. Elle a tellement prié pour moi, elle envoie le feu. Oui. Donc je pouvais quitter ici même pour tomber là-bas, oui. Oui, dégager les chaises, oui. Oui, comme ça. Mm. C'était, elle me posait les mains, c'était oui. Comme ça, elle priait pour moi, maman Jacqueline. Oui. Elle me posait les mains, elle me fait boire, lui donnait. Et tout ça, ça chauffait, ça chauffait, tu sentais la chaleur. La chaleur. Oui. Oui, j'ai commencé à prier parce que je ne connaissais pas avant prier. Oui. Je n'ai que prier que notre père qui est au-dessus. Oui. Ma grand-mère m'a enseigné depuis. Oui. Oui. Donc, quand vous étiez petit. Ça, quand on était petit, mmh. Elle nous fautait même pour ça. Oui. Donc j'ai commencé maintenant à apprendre à prier. Petit à petit, petit à petit. Oui. Et là maintenant, il y a un événement, puisque nous sommes sortis là maintenant. Oui. Il y a un événement maintenant, ton baptême. Qu'est-ce qui va se passer le jour de ton baptême? Oui, ce qui va se passer avec le baptême, c'est que là, elle va décider oui. Qu'il faut qu'on se baptise. Mais avant de se baptiser, il fallait qu'on brûle d'abord les livres. Oui. J'ai pas porté tous les livres. On avait brûlé, même si certains qui ne voulaient pas se prier, on avait prié. On a prié les livres, il y a des livres qui ne voulaient pas prendre le feu. Pas prendre feu. Oui. Oui, les livres sont brûlés. Oui. Pour tous les sacs de livres. Au point, j'avais même oublié, c'était oui. Ma soeur avait fait un rêve, ils sont venus, on a fouillé, on a retrouvé d'autres livres, oui. Et on a brûlé. Oui. Même le tableau, on a brûlé. Oui. Maintenant, lors du baptême, on m'a dit qu'il faut que tu te baptises. Oui. On a appelé le régional. Oui. Le régional est venu avec sa femme. Tout. Maintenant il fallait descendre dans l'eau. Oui. Lorsque on a fait baptiser les deux autres, maintenant il fallait jeter le troisième dernier. Quand je voulais entrer, j'attendais une voix qui me disait partout, n'entre pas dans l'eau. Là. Oui. Elle dit que non, moi je suis à mort. Moi aussi moi déjà mort. Oui. Partout, n'entre pas dans l'eau là. Moi je vais seulement entrer, je suis déjà mort. Oui. Immédiatement je sillonnais, on a dit que non, n'aie pas peur, je suis bien, viens. Quand j'ai commencé à mettre mon pied dans l'eau, j'attendais, je voyais comment partout était devenu rouge. La nuit avait changé. La nuit avait changé. Oui, tout le monde était donné. Quand j'ai mis mon pied dans l'eau, et cette atmosphère avait changé, les gens qui étaient à côté, qui étaient en bas, voyaient également. Oui, quand j'avais constaté que ça avait déjà changé. Oui. Quand j'ai mis mes pieds, les oiseaux partaient, on ne sait pas d'où les oiseaux étaient. Oui. Dans la nuit, les arbres qui étaient à côté. Les oiseaux ont quitté. Oui. Oui, oui. Oui, c'est que même la femme là, c'est comme si quelque chose était quitté sur sa tête. Oui, un oiseau est venu arracher. Oui, c'est même celle qui était baptisée avant, qui m'a rappelé même ça hier. Oui. Quand j'avais, je l'ai dit. C'était comme ça. Oui. Oui, elle ne peut pas oublier. Peut jamais moi, oublier. Quand on m'avait baptisé, c'était parce très que, grave. C'était un combat. Oui, quand je suis entré, j'ai mis mes pieds dans l'eau. Oui. Je suis entré immédiatement. Les oiseaux, comme le papa là m'a saisi. Oui. Il m'a commencé à prier, chanter. Après, il m'a trempé dans l'eau au nom puissant de Jésus-Christ. Il m'a ressorti. Et quand il m'a ressorti comme ça, ça s'est là, calmé. Calmé. Et les oiseaux. Le ciel s'est ouvert. Oui. Clair. C'est comme ça que je suis sorti. Oui. Oui, quand je suis sorti maintenant, je suis parti à la maison. Et là, tu étais content. La et joie va content, j'avais la joie. Et là, un événement va se passer. Tu vas faire encore un autre rêve où les grands-pères et autres sont oui. Réunis. Alors, là, c'est maintenant l'attaque. Oui. Maintenant, je suis dans la chambre un soir. Je dors. Je me vois en train d'entrer. Oui. Dans la chefferie. La chefferie. Oui. Dans une maison. Oui. Où tout le monde était en pagne. Avec le chichet sur la tête et toi, on entrait. Donc, puisque tu es Sawa, donc oui, de toi là, ils avaient toujours en pagne, oui. Avec le chapeau, non, oui. Quand je suis entré, j'ai vu immédiatement tous les gens ont s'assis là, le chef de Bonaberry, le chef supérieur, avec tous les longos et tous ces gens-là, ils étaient assis là. Oui. Et ton père parmi. Oui, il est pourtant, lui, il est derrière moi. Il est à moi. Oui. Mais entre temps, mon père n'avait pas encore parlé. Oui. Bon, je le voyais pas parce qu'il n'avait pas encore parlé. Quand, c'est quand il parle que. Que tu sais le comment que ton père oui. Oui. C'est quand maintenant le chef demande qu'il faut que je prenne la chefferie. Oui. Parce que, bon, le temps est arrivé pour prendre la chefferie. On sait que je suis lié en Jésus. Oui. Il faut que je prenne la chefferie. Il dit que moi je vais prendre la chefferie. Oui. Parce que en temps normalement, comme ton père notable, tu dois prendre ta place je, là-bas. Normalement, je vais prendre ma place. Mais il dit que je ne veux plus la chefferie. Oui. Oui. C'est là où, quand on dit que non, je suis lié en Jésus et tout, il dit que moi je ne veux plus la chefferie. Oui. Maintenant, quand il demande que. Mais, et lorsque mon père prend la parole, il dit que non, parce que je sais que tu es déjà en chefferie, tu es déjà en Jésus, et tu sais qu'il y a Jésus dans le World Foot. Il me rappelle ça. Oui. C'est là où moi, je lui dis que, premièrement, moi, je n'ai rien à y voir avec les morts, et je ne veux pas la chefferie. Maintenant, même, je n'ai rien à y voir, parce que j'avais fait le coup. Oui. Oui, je n'ai rien à y voir avec les morts et les vivants. Oui. On n'a rien à y voir avec les morts dans l'Ecclésiaste. Oui. donc je n'ai rien à y voir avec les morts. Oui. Et quand j'ai dit au nom puissant de Jésus, tous sont devenus des corbeaux noirs. Donc toutes les personnes qui étaient là sont devenues des corbeaux noirs. Ils sont fous. Oui. Et tu n'as pas été surpris de voir maintenant? Immédiatement, je me suis, quand je me suis réveillé, je voyais que la chaîne de côté sur moi, dans ta chambre. Ma chambre était minée. Oui. Oui. Je me suis réveillé, j'ai commencé à décaler le feu. Oui. Parce que j'étais dans. Dans le combat spirituel, on a tout ça. On a pris le feu. Ça va, c'est le feu. Oui. Oui, j'ai libéré le feu. Tu as attiré, tu as balancé dans la direction. J'ai balancé le feu immédiatement. Donc ça veut dire que la présence montait effectivement dans la chambre, que c'est un événement qui était réel. Réel. Oui. Donc si j'acceptais, ça devait se manifester physiquement. Oui. Que j'avais acheté. Oui. Voilà. Donc j'avais refusé. Quand tu te relevé, un événement ne s'est passé hors de ta chambre. Oui, voilà, j'ai commencé à libérer le feu. Libérer le feu par le sol, par là. C'est là où les oiseaux qui parlaient, parce que ma chambre, et à côté de ma chambre, il y avait un arbre. Oui, les oiseaux parlaient à 2 heures. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Oui. On commence à parler que l'eau, voici, l'eau, voici, l'eau, voilà qui est en train de venir, l'eau, voilà qui est en train de venir. Qui libère le feu comme ça, moi, je savais ce qui me passait. Moi, j'étais en train de libérer parce que mes yeux étaient ouverts. Oui, et tu entendais. Tout ce qu'ils parlaient, oui. J'entendais. Et normalement, si les êtres humains étaient là, ils avaient entendu comment l'oiseau en train de prononcer le son de l'oiseau. Mais toi, tu entendais ce qu'il disait. Ce qu'il disait. Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Sans savoir pourquoi. Sans savoir comment. Oui, j'ai libéré le feu. J'ai libéré le feu. Tout bonnet dans la maison, le feu, le ciel, partout, tout mon environnement. Tous les ennemis pourraient se cacher. Partout, j'ai libéré. J'ai envoyé seulement les missiles. Le vrai feu, hein. Oui. Parce que c'est ce que j'étais formé. Moi, j'étais vraiment formé depuis comme ça. Oui. Le feu du Saint-Esprit. Mais je crois que ce serait mieux de prendre un gorgée là longtemps. Oui. Voilà, parce que depuis là, c'est. Voilà. Je crois que ça va calmer un peu. Vous voyez, le feu mélangé avec ce liquide là, ça peut éteindre là. Donc, j'ai libéré. C'est comme ça que moi, j'étais formé. Oui, il y avait la parole de Dieu, mais il y avait le feu beaucoup plus séparé. Elle venait de sortir de l'école, la formation de pasteur. Oui. Et quand c'était, je devais vous dire qu'elle était attaquée. Oui. Parce que mon papa avait un bateau avec l'oiseau. L'oiseau oui. L'avait attaqué. Même à la mort de ton père, l'oiseau était toujours là. Oui, d'ailleurs, elle avait attaqué. Et elle nous disait souvent que quand elle priait là-bas, que laisse ce garçon, il nous appartient. Oui. Laisse ce garçon, il nous appartient. Oui. Donc, elle dit que ne laisse pas, il appartient à Jésus. Oui. C'est comme ça qu'elle a beaucoup prié pour moi. Oui. Et tout le monde, la famille priait pour moi. On avait demandé à la régionale de prier aussi pour moi. Oui. Et c'était comme ça. Elle m'a dit qu'il fallait baptiser. Là, j'étais venu spécialement, le régional. Oui. Un beaucoup. Papa vieux qui était le président. Oui. Qui, oui, dans la théologie. Oui, c'est lui qui est venu me baptiser. Oui. Il était en mission. Oui. C'est-à-dire que moi-même, je viens. Oui. C'est comme ça qu'il est venu. Oui. Oui. C'est lui qui m'avait trempé dans l'eau. Il m'avait sorti. Pour le nom puissant de Jésus. Amen. Et là, maintenant, à la conversion, après, tu vas aller demander pardon à certaines familles, à tes jeunes que tu as amenés. Oui, j'ai d'abord commencé à prêcher. J'ai d'abord appris beaucoup. J'ai accumulé beaucoup de leçons. Oui. J'ai accumulé beaucoup de leçons. C'est même la radio Bonne Nouvelle que j'écoutais. Oui. Les pasteurs et tout. J'ai accumulé. Je ne sais pas si c'est pas le papa. Oui. J'ai accumulé. Et c'est comme ça que je vous suis rencontré. Oui. En suivant l'émission à la radio Bonne Nouvelle. Oui. Je sais une chose, lorsque je suis entré aussi en contact avec vous, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Oui. Vous voyez, c'est pour mon évolution. Voilà ma théologie. Oui. Ma théologie, c'est dans les maisons, dans la Bible. Dans la Bible, je n'ai fait que lire la Bible. Oui. Oui. Et donc là, tu vas demander pardon à tous ceux là qui étaient, que tu as aimé là-bas, la famille. Oui, là. Oui. Quand j'ai connu le Seigneur, je suis allé voir. Je suis allé dans chaque maison, là où il y avait les gars que j'avais mis dans le offre. Oui, tu leur as parlé. Je suis allé dans chacun, je leur ai dit. J'ai dit son maman, j'ai dit, j'ai parlé. Tout cela, je leur ai dit, moi je ne sais plus. Ils veulent chacun. Oui. Ils disaient que c'est plus. Que ce n'est pas le chemin là-bas. C'est pas le chemin que là-bas. Des waves, ils n'ont de rire. Ce n'est pas comme vous voyez ça. Oui. Oui, il y a autre chose derrière. Oui. Rentrer en Jésus. Oui. Parce que j'avais des amis qui étaient en Jésus, oui. Dans la jeunesse de EEC, oui. La UEBC, oui. Mais ils ne sont pas rentrés. Oui, oui, c'était ça, restés là-bas. Oui. J'ai même un ami qui a perdu un fils, oui. Et maintenant lui-même est tombé malade. Oui. Mais je suis une chose, c'est quand il a perdu un fils, qu'il a compris certaines choses. Et maintenant lui-même est tombé malade. Oui. Mais le marabout lui a dit que c'est le voisin et tout. Et moi je lui avais posé la question, pourquoi le voisin n'était pas décrété dans l'ordre. Oui. La question que je lui avais posée, oui. Il n'a pas pu me répondre. Et je lui ai dit qu'il fasse exploitation, maison commune, chambre à part. Tous ces gens-là, ce sont les mêmes gens. Oui. Maintenant, comme tu es en Jésus et que l'église de réveil vient prier chez toi, oui. Dis seulement Amen. Oui. Continue seulement dans l'église de réveil. Oui. Attache-toi et brûle les livres là. Oui. C'est ce que je lui ai dit. Okay. Mon frère. Et maintenant, le plus grand cadeau maintenant, c'est que c'est 31 décembre, ton frère également. Oui, ton je frère suis qui était initialement frère, dans l'église de réveil dans le... et que tu as initié et encore sorti est encore sorti de là. Oui. Oui, il est maintenant en Jésus-Christ, mon frère Joël. Oui, j'espère qu'il n'a plus fait maintenant. Oui, je le dis, je suis sûr d'une chose, c'est que en brûlant les livres, et c'est ce que j'ai dit. Oui. Il faut qu'on se sépare de cela. Il faut se séparer de cela. Et je crois que c'est l'occasion également de dire à ceux qui nous écoutent maintenant, parce qu'il y a des gens qui sortent de la France, on se réveille, sortent de la Rose, quoi, mais ils continuent à garder leurs livres, les choses qui appartiennent. Qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un sort Il ne faut pas faire semblant. Oui. Ou tu es avec Jésus, oui. Ou tu es avec le diable. Oui. Il ne faut pas faire semblant. Oui. Parce que vous voyez les marabouts, que vous voyez les francs-maçons, les roses, quoi, etc. Tous, chacun a sa chambre, mais ils vont se retrouver au salon, oui. Dans la même maison. Oui. C'est la maison du diable. Oui. C'est comme ça. D'autres disent qu'ils sont là seulement pour aider les gens. Ils ont fait la magie blanche pour aider les gens. Alors qu'ils ne sont pas voilà. Ils ne font pas la magie noire pour tuer. Pour tuer. Oui. Donc, ils voulaient savoir qu'il faut faire extrêmement attention. Oui. Le Way of Truth est un ordre dangereux. Oui. Je le dis. Oui, très dangereux, c'est satanique. Oui. Oui. C'est qu'on montre les gens là en face. Et ce n'est qu'un atome, vous avez dit tout à l'heure, dans ce grand colline qu'on appelle Illuminati. Oui. Ce n'est qu'une petite infime ordre parmi tant d'autres. Que diras-tu maintenant? Parce que dans notre ville, dans plusieurs villes africaines et dans le monde, on voit effectivement les conférences organisées par les théosophes, conférences organisées par la franc-maçonnerie pour attirer les gens, pour expliquer ce que c'est que l'âme. Qu'est-ce que tu diras aux gens? Je dirais tout simplement que l'heure du diable, l'heure de Satan, la fin est proche. Oui. Oui, c'est pourquoi il s'agite. Maintenant, il est entré dans les églises. Maintenant, il n'est même plus dans ces ordres. Il est entré dans les églises. Il y a ce qu'on appelle le temps latent. Oui. C'est-à-dire que ce temps de sommeil. Oui. Il y a d'autres qui font semblant. Oui. Mais je sais une chose. J'ai eu un seul baptême. Je sais une chose jusqu'aujourd'hui. Tout Bonindale, parce qu'on avait dit que je vais devenir fou. Oui. Tout Bonindale avait prédit comme ça. Oui. Les gens devaient que trahir l'ordre. Jusqu'aujourd'hui, j'ai acheté les Bibles, j'ai acheté les Nouveaux Testaments, j'ai acheté les cadres, mais moi j'ai donné aux gens distribuer pour que les gens connaissent la vérité. Oui. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui vont tomber sur ce témoignage, qu'ils sachent que moi, Mbembe Bilemas, quand j'étais à l'internat, on m'appelait Mbale. Oui. Oui, celui qui réveillait les gens, celui qui priait pour les gens au dortoir. Oui. Oui. Et Nimpe, et le reste me connaissent bien. Oui. Quand je suis, j'ai fait. Le vent, j'ai fait le lycée polyvalent, j'ai fait le lycée bilingue de Sordico, parce que depuis 6e sur la 3e, j'ai fait le lycée bilingue de Sordico, j'ai le BPC là-bas. Oui. Et j'ai fait aussi, je suis venu enseignant au lycée, j'étais vacataire, enseignant professeur de mathématiques, je suis venu enseigner là-bas, parce que 5 ans aussi. Oui. Donc c'est là-bas que j'étais maintenant. Dieu a ouvert une porte, je suis à Sokapam. Oui. Je dis tout simplement qu'avec Jésus, on peut tout. Oui. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et Dieu a démontré cela à travers moi. Et tout le monde a vu qu'à travers moi, Jésus-Christ m'a utilisé. J'ai commencé à prêcher les gens. Je suis le même matin, j'ai commencé à donner l'enseignement. Je partage, je viens avec la Bible. Oui. On partage la parole. J'ai enseigné. Tout le monde a vu à Bonindale. Je suis plus devenu fou. Oui. J'ai commencé à dire certaines vérités. Oui. Et tout le monde a vu. Maintenant, je dirais tout simplement que le Seigneur, je prie jusqu'aujourd'hui pour mon frère et mon gars qui est président du Way of Truth de Bonindale. Oui. Donc, s'il écoute là-bas, qu'il écoute ceci, qu'il quitte dans cet ordre, car je sais très bien qu'on a mangé ensemble, on a toujours été ensemble, on a toujours été des frères. Oui. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Quand j'ai eu le but probatoire à l'internat, ses parents sont venus voir mes parents, on a causé, et c'est comme ça qu'il a eu le probatoire parce que ça le dérangeait, c'est à Douala. Oui. Il est parti venir à l'internat avec moi. Et on a partagé beaucoup de choses. Tout le village sait que c'est mon frère. Oui. Et je sais que c'est mon frère parce que jusqu'à maintenant, je cause avec sa maman qui aime. C'est l'ami, celui qui était attaqué, Pagna, qui l'a amené. Mais lui, c'est pas ton entreprise. Oui, pas mon entreprise. Donc, il connaît que je suis dans le Afrique depuis. Oui. Donc, je dis. Donc, il ne regarde pas la gloire. Il ne regarde pas la gloire. A parce que le Seigneur a besoin de lui. Oui. Le Seigneur veut l'utiliser. Oui. Qu'il vienne et qu'il n'ait pas honte, qu'il n'ait pas peur. Oui. Toute une chose est sûre, le Seigneur va ouvrir des portes, oui. Même si c'est comment. Oui, oui, même qu'il sache que Jésus-Christ est au-dessus de beaucoup de choses. Oui. Moi, je les attaque. Oui. Pas que je n'ai pas eu. S'il fallait que Dieu a mouru, je devais me mourir depuis. Oui. Et je le sais. Oui. Des accidents que Dieu m'a épargné. Oui. Jésus-Christ m'a épargné. Je dis bien Jésus-Christ. Je ne dis pas Dieu parce que quand on parle de Dieu, c'est Pâques. Oui. Je dis bien Jésus-Christ. Oui. J'ai toujours prononcé le nom de Jésus-Christ, même dans le sommeil. Oui. Et je sais. Que le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Oui. Je ne veux pas la chefferie, je ne veux pas la gloire. Tout ce que je veux, c'est servir le Seigneur parce qu'il a fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Oui. Et c'est un message pour le roi, le chef supérieur de Bonaberry. Bonaberry et particulièrement M. Pinda qui était. M. Pinda est toujours enseignant de le haut lycée de Bongay. Oui. Le mot que je peux envoyer à la chefferie, je dis d'abord, pour parler de la chefferie, j'ai commencé à demander pardon à ma famille. Oui. Parce que j'avais volé je mentais, oui. J'ai un peu, je me bagarrais avec Madame Billet, c'est oui. Nickel Panama, qui est ma maman, oui. Parce qu'elle a beaucoup fait, oui, c'est elle qui a appris à ma maman, à ma petite soeur à préparer, oui. C'est elle qui a fait beaucoup de choses à préparer à Jackie, c'est elle qui avait, elle nous a gardés oui. Comme ses enfants, oui. Il y a beaucoup de choses, je demande pardon, oui. Sincèrement, oui. Et je suis allé là-bas le premier, j'ai vu Papi, j'ai vu Flora, le premier janvier 2016, j'ai vu Papi, j'ai vu Flora, et j'ai causé avec Papi. Oui. Je suis sûr que le témoignage va tomber entre les mains oui. Et qu'ils sauront que je suis vrai. Oui. Je n'ai rien, je n'envie personne. Oui. Je dis toujours, je leur ai dit et je répète à Papi, mon petit frère, je sais qu'avant que mon père me meure, il a donné un livre de Wolfruit. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses dedans. Et mais c'est je les leur clés ai dit, ils sont les clés. Qui prie beaucoup pour mon petit frère, oui. Qui rentre véritablement en Jésus, oui. Pas ce qu'ils sont en train de voir là, qui soit sûr qu'il est véritablement rentré, parce que moi je sais qu'il n'est pas encore véritablement rentré. Qui détruisent les possessions, qui détruisent ces livres là, oui. Tout ce qu'ils possèdent de Wolfruit, qui détruisent cela, oui. Oui, qui revient à Jésus, et quel qu'en soit ce qu'il fera, même si ça prend du temps, oui. Le Seigneur va le garder. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oui. Et mais ça direct maintenant au chef supérieur, directement au chef supérieur, monsieur le chef supérieur. Paul Mwanga Mbappé Milor. Sa Majesté. Sa Paul... Majesté Paul Mwanga Mbappé Milor. Oui. Chef, vous connaissez comment je suis. Il vous connaît personnellement. Il me connaît. Je suis le fils de M. Billet. Il me connaît très bien. Oui. Vous connaissez comment je suis. Vous savez que je suis le fils de M. Billet. Vous savez que je m'appelle Ndoumbé Billet Max. Vous savez que je n'ai jamais eu de problème avec vous. Sauf le deuil de papa. Le deuil de papa. Oui. Où j'avais, je n'ai pas voulu qu'il soit enterré là-bas. Oui. Parce que ce n'est pas ce que papa voulait. Oui. Je ne veux pas la chefferie, je veux la paix. Oui. J'aimerais que vous rentrez, vous dirigez une fois de plus Bonaberry avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais que vous allez à l'église. Oui. Je le sais oui. Que vous allez à l'église. Donc, malgré cela, il va à l'église. Oui. Je le sais. C'est mon chef supérieur de Bonaberry. Je suis un enfant de Bonaberry. Oui. Je sais qu'il va à l'église. Oui. Je sais aussi qu'il prend du temps. C'est un homme sage. Oui. Oui. Mais que le Seigneur, qu'il utilise beaucoup plus le Seigneur. Je sais que Dieu a voulu que vous passiez par tout cela, par Ikanka, par le War of Truth, etc. Mais que utilisez beaucoup plus Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui vous a gardé jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est lui seul qui vous protège. C'est pourquoi vous êtes encore chef et vous êtes encore vivant. Oui. Et je sais que vous avez beaucoup de combats oui. À Bonaberry, mais je sais ce que mon père a vécu, parce que j'étais celui qui était proche de lui. Oui. Que vous demandez à tous les enfants de Bonaberry de prier Jésus. Et je sais que par votre voix, oui. Le Seigneur pourra faire beaucoup de choses à Bonaberry au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que dit maintenant s'il y a des pasteurs qui sont dans cet ordre et qui sont au milieu de l'église et qu'on ne sait pas qu'ils sont comme ça dans les sectes? Quel message peux-tu leur transmettre? La parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui. C'est pourquoi par leurs œuvres, par leurs actes, par ce qu'ils sortent de leur bouche. Le Seigneur permettra à ce qu'on les reconnaisse. Mais je dénonce. Et je dis tout simplement que tout pasteur, que ce soit à Bonaberry, que ce soit à Douala, que ce soit dans le monde entier, oui. Tout pasteur, non seulement, parce qu'une anecdote, oui. J'étais l'ami d'un pasteur, oui. Bien rapproché, parce qu'il était rose quoi, oui. Mais il enseignait à UEBC. Oui. Et comme on entrait la chute de l'Union des Églises de Baptistes du Cameroun. Oui. Or, lui était rose quoi. Oui. Lui, il était la rose quoi. Il était le pasteur. Oui. Respect. Et on était amis parce qu'on se comprenait. Oui. Parce que, même que maison commune, Chambre Baba, je suis dans mon ordre. Quand dans l'ordre. Ben oui, quand j'étais dans l'ordre. Mais quand j'ai quitté l'ordre, j'ai contaminé les enseignements de Jésus. Oui, on n'était plus amis. Mais pourtant, Il présente bien Jésus de l'ordre. De l'ordre. Oui. Il sait ce qu'il parle, il sait ce qu'il, comment il tord les évangiles. Il y en a c'est beaucoup pourquoi comme ça. Je demande, il y a beaucoup comme ça. Oui. Je demande à ce que qu'ils reviennent en Jésus, qu'ils abandonnent leurs ordres. N'est-ce pas l'hypocrisie de présenter une chose à autre? Ce sont des faux prophètes, ce sont des faux pasteurs et tout a été prédit. Oui. Le Seigneur Jésus nous a prédit. Oui. Oui, il nous a prédit. Dans Matthieu 28, dans Matthieu 24, il nous a prédit. Oui. Oui, des faux pasteurs et des faux. Il nous a véritablement prédit. C'est pourquoi j'aimerais que tous ceux qui prêchent la bonne parole, qui sont appelés de Dieu, parce que le Seigneur dit dans sa parole, il connaît ce qui lui appartient. Oui. Oui. Il a dit dans Timothée, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quand l'apôtre Paul qui a écrit Timothée, il a dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Oui. Ce n'est pas tout le monde. Ne nous embrouillons pas. Ne nous focalisons pas. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi, mais ils ont la sémence du diable. Oui. Donc, ils changent bien. On ne peut pas changer cela. Oui. Donc, c'est comme ça. Oui. Ce n'est pas tout le monde. Et moi, je sais une chose, c'est le Seigneur Jésus qui m'a appelé. Oui. Ce n'est pas un homme. Oui. C'est pourquoi je dis à tout le monde, parce que j'ai eu un ami, oui. je vous ai dit cela, avec qui je dormais. Oui. Maintenant, il s'appelle Pasteur Lajoie. Oui. Il est allé à. Il a porté d'abord un gars de Ndopassi. Oui. Oui, un prophète. Oui. Oui. De quoi ministre Glory Global Frontière. Oui. Il était prophète. Oui. Maintenant, le monsieur est prophète, il était avec lui. Lorsqu'il a amené les deux femmes qu'on a reçues comme secrétaire en bambou. Oui. Là où tu travailles maintenant, oui. En bambou. Oui. Nous avons pris, moi je suis entré dans le jeûne. En secret, oui. Pendant 2 semaines. Oui. Et quand j'ai fait 2 semaines de jeûne, j'ai dit, si ces gens sont les véritables serviteurs qui viennent, si ce n'est pas les véritables serviteurs qui partent, car oui. Moi j'ai servi le diable, je ne veux pas en retomber pour la deuxième fois. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ne sont plus venus. Oui. Et maintenant, il est entré en contact maintenant avec les gens de Ndokoti. Oui. Oui. Comment s'appelle celui-là? Eric May. Le prophète Eric May. Oui. Il est entré en Ndokoti maintenant. Il est devenu pasteur là-bas. On l'a ouais, moi, je n'ai même pas vu à la télé. On l'a mis une touche rouge là-bas. Quand on l'a touché, le même tombé au sol. Moi, j'étais passé sur mes collègues qui m'ont dit qu'ils ont vu ça à la télé. Oui. Et maintenant que je vous parle, il est allé au Bénin. Oui. Donc, il est là-bas allé au Condé Titi. Oui. Maintenant, il est allé au Bénin. Oui. J'ai dormi avec lui. C'est quelqu'un qui il m'a envoyé. Je lui ai dit, je suis arrivé un jour, je lui ai dit que bon, gars, va écraser les condiments. Il a refusé. Et il a prêché comme ça. Oui. Oui. Et c'est devenu. J'ai vu qu'il n'avait pas l'humilité. Okay. Bon, mais j'ai découvert beaucoup de choses après. Oui. La cupidité, l'amour de l'argent. Et c'est beaucoup de choses. C'est ça qui fuit dans la parole. La langue. Ces choses-là. Qui est fou. Oui. Donc, voilà. Non, nous te remercions. Nous remercions pour le courage. Pour le courage que tu as pour l'avancement du livre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et courage pour aller dire toutes ces choses-là dans le monde. Et nous prions que ça utilise ça pour délivrer les gens. Afin que les gens sachent effectivement que nous, le monde matériel dans lequel nous vivons n'est pas seulement cela, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre le règne de ce monde de ténèbres. Donc on comprend qu'en dehors de ceci, il y a autre chose qui se passe dans le monde spirituel qui contrôle tout ce qui gouverne ici. Mais Jésus-Christ est Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Il aura toujours la victoire, il aura certainement la victoire pour dire le dernier mot dans ce monde-ci. Que le Seigneur te bénisse, frère Billet. Merci. Que le Seigneur vous bénisse aussi et dans la paix. Dans la nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.